saluons chacun de vous ce matin au nom de Jésus-Christ. On a salué à qui la moumoche ouais nous a subi aller au Mutina Bona Yesu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Et ti muko katika fura? Alors il faut répondre avec force. Kumbi na pashi kujibu na nguvu yote. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Bila ugawia tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Entre-temps, ouvrons nos Bibles dans Néhémie. Tufungule mabitabu yetu mu Néhémie. Néhémie au chapitre 8. Néhémie sura yake ya 8. Néhémie au chapitre 8. Néhémie sura 8. Nous allons commencer au verset 1. Kuanzia mstari ya kwanza. Prions. Bwana Mungu Baba yetu. C'est toi seul qui es la vérité. Wek peke yako ndiye ukweli. Toi seul, tu es la lumière. Wewe peke yako ndiye nuru. Et toi seul, tu es la source de vie. Na wewe peke yako ndiye chemchemu ya bujima. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Tunasema asante Bwana Yesu Kristo. Pour ce grand amour que tu as manifesté. Juu ya mapendo mkubwa ulionyesha. En envoyant ton fils bien-aimé. Mukutuma mwana wako mpendwa afin de mourir à notre place ili apate kufa kwa fazi yetu et de nous accorder la possibilité de retourner dans ta présence na ya kutupatia namna ya kurudia muwepo wako. Merci notre père. Asanti baba yetu. Parce que depuis l'éternité, tu avais conçu ce plan. Kwani tangia umilele ulitunga kai mapu. Comme tu l'as réalisé au bois du calvaire. Vile ulitimiza kumusalaba. Nous voulons Seigneur que tu le réalises encore à nous. Tunapenda Bwana uitimize tena ndani yetu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asanti Bwana Yesu Kristo. Parce que ce matin tu nous as envoyé la pluie de la bénédiction. Kwani asubuhi ya leo unatutumia mvua ya baraka. Comme tu as arrosé les semences naturelles. Vile unamimia maji kumbego ya asili. Envoie-nous encore la bénédiction spirituelle. Ututumie tena na baraka ya kiroho. Pour que cette pluie puisse arroser nos cœurs. Jui mvua ipate kumimia mioyo yetu. Guéris chaque frère et chaque sœur. Uponye na kutunza kila ndugu na kila dada. Bénis ses activités. Ubariki makazi zake. Bénis ses projets. Ubariki mapu yake. Bénis son foyer. Ubariki jama yake. Et bénis cette église tout entière. Na ubariki kanisa yote mzima. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Nous attendons à toi. Tunajongoja kwako. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanywe pale pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Accorde-nous suffisamment de termes pour parler à ton peuple. Utupatie misemo ya mingi juu kusema na taifa yako. Et bénis la parole qui sera lue. Na ubariki neno itasomewa. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Honore ton fils bien-aimé. Mujina mwana kumpendwa. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Néhémie au chapitre 8. Néhémie sura yake ya 8. Nous lisons ceci. Tukunasoma hivi. Dans son verset 1. Mumustari yake ya kwanza. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte de jour. Watu wote wakakusanika sawa mtu mmoja pa kiwanza yenye kuwa mbele ya mlango ya maji. Il dit à Ezra le scribe. Wakamwambia Ezra mwandishi d'apporter les livres de la loi prescrite par l'Éternel à Israël. Ya kwamba alete kitabu ya sheria ya Musa yenye kuandikiwa na wa milele kwa Israeli. Et le sacrificateur Ezra apporta la loi. Na mkuani Ezra akaleta kitabu mbele ya makutano composé d'hommes et de femmes Ile mkutano ilikuwa na wanaume na wanawake. Et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Na wale wote walikuwa na uwezo ya kuwezi kuisikiliza amri. C'était le premier jour du septième mois. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwezi ya saba. Ezra lit dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Na Ezra akasoma mukitabu tangia asubuhi na kufika na katikati ya mchana. Sur la place qui était devant la porte de Zou. Ni pa ile kiwanza ile ilikuwa mbele ya mulango ya maji. En présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Ilikuwa ni mbele ya wanaume na wanawake na wale wote walikuwa mkimo ya kuweza kusikiliza neno la Mungu. Et tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Na wote watu wote waliteka sikio kusoma kwa kitabu ya sheria. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Si cela est la volonté du Seigneur, kama ni mapenzi ya Bwana, nous allons clôturer aujourd'hui avec le livre de Néhémie. Tutamaliza leo na kitabu ya Nehemia. Avant de retourner aux 70 semaines de Daniel. Mbele ya kurudia kumajuma makumi saba ya Danieli. Nous avons montré vendredi. Mukazitano tulionesha. Que la prière ou le recours à la prière. Ya kwamba maombi wala kukimbilia kumaombi. Dans chaque situation difficile dans laquelle Néhémie se trouvait. Mumambo yote ya nguvu mule Nehemia alikuwa anajikutanisha. Lorsqu'il était confronté aux ennemis de Juda. Wakati ile alikumbanishwa na wale waadui wa Yuda. Dieu lui donnait toujours la victoire. Mungu alikuwa anampatia kila mara ushindi. Nous avons essayé d'insister sur la prière vendredi. Turuweka mkazo yulu ya maombi musiku ya kazitano. Parce que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Kwani banduku mingi na badada mingi. Néglige la prière dans leur vie. Bekona sula maombi mu maisha yabo. La plupart des hommes et des femmes qui ne sont pas sauvés. Ba mingi banamuke na wanaume basipo kokolewa. Ils ne comprennent pas l'importance de la prière dans leur vie. Aba elewe mafao ya maombi mu maisha yabo. Nous avons montré que par la voie de la prière, tulionesha ya kwamba kupitia njia ya maombi, nous recevrons de la part du Seigneur tout ce dont nous avons besoin. Tukunapokea kwa upande wa Bwana Mungu yote ile tunahitaji. Que ce soit les bénédictions spirituelles, ikiwa mabaraka ya kiroho, que ce soit les bénédictions charnel, ikiwa tama baraka ya kimwili, ou pour n'importe quel besoin, wala aizuru itaji lote lote, la prière, maombi, et la voix, jonjia, et la clé, na njo funguo, qui nous ouvre, ile natufungulilia, la porte à toutes sortes de bénédictions spirituelles, mulango kuhusu ma haina yote ya baraka. Il n'y a pas d'évolution spirituellement parlant, si l'homme ou la femme ne prie pas. Akuikalake baraka kama mwanaume wala mwanamke asiombe. Un homme ou une femme sans vie de prière prouve à suffisance qu'il n'est pas sauvé. Mwanaume wala mwanamke wasipokuwa na maisha ya maombi anahakikisha ya kwamba si yaokolewa. Et qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Na anahakikisha ya kwamba yeye hana mtoto wa Mungu. Mais c'est pourquoi mjo kwa maana la prière est un soutien, une grande arme. Maombi ni msaada na ni silaha mkubwa. Nous pouvons utiliser dans chaque situation. Ile tunaweza kutumia mwali lote. Au lieu de se lamenter. Bali yawe kunungunika kulia. Au lieu de crier. Bali yawe kulalamika. Au lieu de gémir. Bali yawe kuugua. Quand nous sommes dans une situation, wakati tuko mwali mfulani, exposons nos problèmes, nos difficultés à notre Seigneur. Tupeleke mambo zetu na magumu zetu mbele ya Bwana wetu. Dans la foi. Ndani ya imani. Dans la sincérité. Ndani ya uhakika. Avec persévérance. Pamoja na kudumu. Notre Seigneur. Bwana wetu. Nous accordera le succès. Atatupatia kuweza wala kushinda. Et lorsque nous prions, nous gardons la vigilance. Wakati tunaomba, tukuna sopa, tukebe ange. Nous ne sommes pas distraits aux attaques de l'ennemi. Atulengame na kushambuliwa kwa adui. Et dans la parole de Dieu, na ndani ya neno la Mungu, il y a toutes les instructions nécessaires. Muko maagizo yote pour nous maintenir en éveil. Dja kutushika tupate kwa benye kukesha. Afin que le diable ne vienne pas nous tromper. Ili shetani asikuje kutudanganya. Pour nous faire tomber dans le péché. Dja kutuangushisha muzambi. Et arrêter l'œuvre de Dieu en nous. Na kusimamisha kazi ya Mungu ndani yetu. C'est pourquoi nous avons dit vendredi. Dja kwa maana musiku wa kazi tano tulimiambia. Si l'église prie. Ya kwamba kama kanisa ikiomba. L'église sera en paix. Kanisa itakuwa msalama. Et tous les ennemis de l'église seront vaincus. Na baadui bote ba kanisa batashindiwa. Si un foyer prie. Kama jama fulani ikiomba. Cette famille sera en paix. Et Satan ne saura pas quoi faire. Il sera toujours vaincu. Si un homme ou une femme prie, il sera toujours victorieux. Et Satan sera toujours éloigné de lui. C'est pourquoi nous devons aimer la prière. C'est un moyen, une arme très puissante que Dieu nous a donné pour recevoir la victoire sur tous nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi aimez la prière. Vous qui fouillez la prière vendredi, alors vous prouvez que vous n'êtes pas enfant de Dieu et vous êtes la cause de la chute de cette église. Le pasteur doit prier pour l'église. Pastori anapaswa kuombea kanisa. Dans toutes ses prières, dans toutes ses prières. Maombi zake zote. L'église doit prier pour son pasteur. Kanisa anapaswa kuombea pastori wake, juu ya viongozi yake. Dans leur prière. Maombi zao. On doit prier les uns les autres. Anapaswa kuombea pamoja kwa vingine. Et de cette manière. Muile namuna. Notre fraternité. Bunduku zetu. Sera plus forte. Butakuwa banguvu. Que tout ce que Satan peut faire au milieu de nous. Kushindia yote ile shetani anaweza kufanya katikati yetu. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa inanifuata? Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Mais remarquez ici dans Néhémie au chapitre 7. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Tazameni Néhémie sura 7. La Bible dit. Biblia inasema. Lorsque la muraille fut rétablie, wakati ukuta bari yengulula, et que j'y posais les battants de porte, nakisha niluweka misingi ya milango, on établit dans leur fonction les portiers, kaweka mukazi, les chantres, mukazi bale bachunga pa mlango, na baimbaji na balawi. La reconstruction de la ville de Jérusalem était déjà terminée. Kujengulula kwa ukuta ya Yerusalema ilikuwa nishamalizika. Les ennemis étaient tenus en échec. Baadui bao barishindwa. Dans tous leurs plans, mumapu yabo yote, ils avaient monté pour faire échouer l'œuvre qu'accomplissait Néhémie. Barishindwa mumapu yote ile barite baritarisha juu ya kushindisha kazi ya Mungu. Et si Néhémie, na kama Néhémie a pu reconstruire la ville. Aliweza kuyengulula muji. C'est avec l'aide de l'Éternel. Ilikuwa kupitia msaada wa wamilele. Dans tout ce que nous faisons pour Dieu, mwile yote tunamufania Mungu, tout est possible avec notre Dieu. Yote inawezekana pamoja na Mungu wetu. Aussi longtemps que nous sommes avec Dieu, wakati ile tuko pamoja na Mungu wetu, tout est possible. Yote inawezekana. Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alisema, sans moi, bila mimi, vous ne pouvez rien faire. Amutaweza kitu. C'est pourquoi, en tant que fils, en tant que fils de Dieu, je commande sawa wana wanaume na wanamke wa Mungu. Nous devons être avec notre Dieu en toutes choses. Tunapashe tukue pamoja na Mungu wetu mukila kitu. Pour avoir du succès. Juu tupate kushinda. La miraille 1 rétablie. Ukuta kya kwanza erijengululwa. Les battants de porte étaient déjà posés. Na misingi ya milango baliweka. Néhémie le gouverneur plaça chaque lévite dans sa fonction. Néhémie mkuani akaweka kila mulawi mukazi yake. Après qu'il ait placé chaque lévite à leur fonction, et les lévites à leur fonction, kisha yeye kuweka walawi wote kila mmoja pa kazi yake. Deuxièmement, Néhémie, kiapili Néhémie, donna la responsabilité de la ville de Jérusalem, akaleta buzito wa muji ya Yerusalema, à Anani, son frère, kwa Anania nduku zake, et à Anania, na kwa Anania, un homme fidèle, mutu mwaminifu, et craignant Dieu, na mwenye kumuogopa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Néhémie savait. Néhémie alijua. Qu'il y avait beaucoup d'ennemis contre Israël. Ya kwamba kulikuwa waadui mingi sana wa ukombanisha Israeli. De l'intérieur comme de l'extérieur. Bainje na bandani. Dieu l'avait assisté dans la construction. Mungu alimsaidia mu majengo. Après que l'œuvre soit achevée, kisha ile kazi kumalizika. Après que la ville soit reconstruite, kisha muji kujengululwa. Il devait la remettre à des hommes fidèles. Aripashi kuiacha mikono ya watu waaminifu. Déjà qui craignait le Seigneur. Batu bale balikuwa na muogopa Bwana Mungu. Pour protéger la ville, jupapate kuilinda ile muji, et pour protéger le peuple de Dieu. Na jia kulinda taifa ya Mungu. Néhémie n'a pas dit c'est fini, Dieu m'a envoyé. Néhémie asikuseme kuna malizika Mungu alinituma. Pour reconstruire la ville et pour reconstruire la ville. Dieu a kuyengulula tu muji. J'ai accompli mon travail. Natimiza kazi yangu. Et c'est fini. Kuna malizika. Non bien aimé frère. Hapana yeye asikuseme vile. Non bien aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Il avait un devoir sacré. Alikuwa na mapasha takatifu. De veiller maintenant. Ya kukesha sasa. Pour établir. Ya kuweka. Sur cette ville. Yulu ya ile muji. Des hommes responsables. Batu benye kwa na buzito. Voyez. Unaona. Et des gens. Na batu. Qui avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Bale bali kwa na boka wa Mungu mumoyo. Pour protéger l'œuvre de Dieu qu'il avait rebâti. Juba pate kulinda kazi ya Mungu ila rijengulula. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. N'est-ce pas ce que nous devons faire dans l'église? Eti, aina ile tunapasha kufanya mkanisa? Quand l'église naît, wakati kanisa ikianzisha, et que l'église grandit, na wakati kanisa ile nakomala, l'église prend forme, kanisa inakuwa na umbo. Quand on veut établir de l'ordre dans cette église, wakati unapenda kuweka usawa mwile kanisa, On ne peut pas mettre dans l'église n'importe qui comme responsable. Non. Néhémie a cherché un frère, son propre frère. Néhémie a ritafuta nduku zake mwenyewe. Pas un étranger. Apana mtu mgeni. Non. Apana. D'abord son frère. Kwanza kwanza akuwe nduku. Un juif. Muyuda. Ayant le même sang, mwenye kwa na damu moja avec moja, le même objectif, na kifuguzio kimoja, ayant les mêmes conditions, mwenye kwa naye muali moja moja, se trouvant dans la même situation, mwenye kupatikana muali moja moja ya Bayuda, et il chercha, na alitafuta, parmi ses frères, katikati ya banduku zaki, un homme fidèle, mutu moja mwaminifu, et un homme qui craignait Dieu, mutu ula alikuwa na muogopa Mungu, il établit pour qu'il veille, akamweka juu apate kukesha, sur l'œuvre de Dieu. Yule ya kazi ya Mungu déjà achevé. Ile ilikuwa nesha malizika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Munaona? Il y a des choses là, je m'arrête. Peko bitu ya kusemea lakini nasimama kwanza. Un homme fidèle. Mutu mwaminifu. C'est un homme qui a un attachement profond à ses devoirs. Ni mutu ule anapenda zaidi kazi yake. Il a un attachement et on a mapendo à son travail. Ya kazi zake. Il a un attachement yeye kuna mapendo plein d'affection yeye kuambatana na mapendo zaidi à ses devoirs. Ou ile kazi yake. Il est constant yeye asibadiriki à remplir ses engagements. Eko tayari kutimiza kazi yake. Il croit dans son cœur. Anaamini moyo wake. Que c'est Dieu qui l'a établi. Ya kwamba ni Mungu ndio alimweka. Parmi ses frères. Katikati ya banduku zake. Pour faire son œuvre. Ya kufanya kazi zake Mungu. Voyez. Munaona. Il a un engagement sacré. Yeye kuna kujitoa takatifu. Envers Dieu. Mbele ya Mungu. Et il est constant. Yeye ashibadirike. On voit la régularité. Eko sawa sawa. Mkutimiza engagement. Makazi zake. C'est un homme fidèle. Ni mtu mwaminifu. Un homme qui ne peut pas trahir. Mutu ule hawezi kamwe kutowana. Son serment. Hawezi kamwe kusaliti. Il ne peut pas trahir. Hawezi kamwe kusaliti. La confiance. Tumaini. De la personne. Ya mutu. Qu'il a établi. Ulalimweka. Il est sincère. Eko wa moyo wa wati. Na eko wa ukweli. Il est droit. Eko wa unyofu. Il travaille avec affection. Anatumika na mapendo. Voilà un homme fidèle. Jo mutu mwaminifu. Et au-dessus de cela. Yulu ya ile. Il a le respect. Eko na heshima. De toute la parole de Dieu. Ya neno lote la Mungu. Il agit. Anaapa. Ka ce que Dieu a dit. Paka kukile Mungu anasema. Il agit. Yeye anaapa. Ka ce que Dieu a écrit. Paka kukile Mungu aliandika. Dans tout ce qu'il veut faire. Muyote ila anapenda kufanya. Dans tout ce qu'il fait. Na muyote ila anafanya. Il doit consulter. Anapashi kuuliza. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu iko wapi? Il respecte la parole de Dieu. Yeye anaheshimu neno la Mungu. En toute chose. Mukila kitu. Voilà un homme fidèle. L'église est avec Yule moi. Yule mtu mwaminifu. Voyez, c'est un enseignement ça. Inayo ni mafundisho. Allez consulter. Kuenda kuuliza. La sacrificature. Mwende muangalie mumahubiri kikuani. Quand vous lisez dans Exode 18. Mukisoma mukutoka sura 18. Dans son verset 21. Exode 18. Kutoka sura 18. Dans son verset 21. Mstari ya 21. Et même Jethro, na Jethro, en donnant conseil Mukuleta, à Moïse, shauri kwa Musa, il lui a dit alimwambia, d'établir sur le peuple apate kuweka yulu ya taifa, des hommes fidèles batu baminifu, et des hommes qui craignaient Dieu na batu balikuwa na et y'a la crainte de Dieu en eux. Benye kwa na boka wa Mungu ndani yao. On ne peut pas établir hawezi kuweka des aventuriers batu ba michezo sur l'œuvre de Dieu. Yulu ya kazi ya Mungu hapana. Non frère. Hapana ndugu yangu. Non, ma sœur. Apana dada yangu. On ne peut pas établir. Awezi kama kuweka des responsables. Ba tu nabuzito. Négligent. Ba kusula. Non, frère. Apana ndugu zangu. Des infidèles. Batu basipo kuwa na waminifu. Non, frère. Apana ndugu yangu. Gens qui ne sont pas attachés à l'œuvre de Dieu. Batu basipo kuambatana na kazi ya Mungu. Non, frère. Apana ndugu yangu. On ne peut pas établir des païens. Awezi kuweka buzito yule wa pagano. Qui ne sont pas de la famille. Basipo kuwa ba mujama. Qui ne sont pas nés de nouveau. Basipo kuzaliwa mara pili. Qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Bala bana roho ya Mungu. Qui n'ont aucun attachement. Abana na mapendo tayari. Au Dieu divin. Ya bitu ya kimungu. Ils vont détruire l'œuvre de Dieu. Bataribu kazi ya Mungu. Ils n'ont pas les soucis de l'œuvre de Dieu. Abana na ngaiko yule ya kazi ya Mungu. Ils ne comprennent pas la souffrance. Il est attaché à l'œuvre de Dieu. Ils ne comprennent pas les difficultés. Que les hommes de Dieu et les peuples ont supporté pour que l'œuvre de Dieu arrive à son achèvement. L'église est avec moi. Comprenez-vous cela? Je peux évoluer. Est-ce que nous et tous les diables, que tous les conducteurs, vous comprenez cela? Na viongozi wote munaelewa? Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? C'est bien. Mzuri. Néhémie était un responsable. Néhémie alikuwa mtu mwenye kuwa na buzito na madaraka. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de compromis. Mukazi ya Mungu hamuna mambo ya masikilizano. Némi a établi un frère. Némi aliweka ntuku yake mumwili. C'est un type. Hii ni picha mfano. Qui montre que nous aujourd'hui. Ile naonesha kwamba sisi leo. Nous établissons. Tukunaweka. Dans nos églises. Mukanisa yetu. Dans nos églises chrétiennes. Mukanisa yetu wa Kikristo. Des frères. Tunaweka bantuku. Qui sont nés. Venye kuzaliwa. De l'esprit de vérité. Toka roho ya ukweli. Et de la parole de vérité. Na venye kuzalika toka neno la ukweli. Des gens qui sont nés de nouveau. Batu venye uzaliwa mara ya pili. Qui sont sanctifiés. Venye kuishi maisha takatifu. Qui sont baptisés du Saint-Esprit. Venye ubatizwa roho mtakatifu. Qui souffrent. Bale wanateseka. Et qui ont souffert à la construction Kumajengo de l'œuvre de Dieu. Ya kazi ya Mungu. Pas quelqu'un qui sort apana mututula anatokea un aventurier kitu wa qui ne comprend absolument rien. Kitu. On l'établit sur l'église. Unamweka yule ya kanisa, unampa buzito. Et lui c'est seulement la cupidité. Yeye mpaka tamaa ya mtu. Il ne vise que l'argent. Et qu'on a fukuzia paka pesa. Il ne vise que les honneurs. Anafukuzia paka maheshima yake. Il ne vise que le bien matériel. Anafukuzia paka bitu ya kimwili. Non, frère. Hapana nduku. On établit sur le peuple. Anapatiaka buzito. Des hommes qui ont à cœur. Batu benye kuwa na moyo. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Et qui respectent. Benye kuheshimu. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Qui aiment. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Qui protège. Analinda. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Qui ne peut pas. Abawezi. Livrer l'œuvre de Dieu. Kutoa kazi ya Mungu. Mumikono ya badwe. Amen. Amen. Ça je comprends ça très bien. Mimi naielewa mzuri. Et j'aime que l'église comprenne ça. Na mimi napenda kanisa nayo ipate kuielewa. Oui bien mes frères. Dio ndo kumpenda. Et quand Néhémie établit. Wakati Néhémie alipatia mzito. Et Anania. Anania na. Comme des responsables sur la ville. Sawa benye kukesha yule ya mji. C'était avec des instructions. Ilikuwa pamoja na maagizo. Strict. Ya nguvu. À observer Papate kushika sur la garde Papate kukesha, yulu wa kukesha, et wangalishi. La sécurité na ukingo, ulinzi, de la ville de Jérusalem ya muji ya Yerusalema reconstruite. Ile bari yengulula. Néhémie ne les a pas établis comme ça. Néhémie a sikubaweke tu hivi bure. Vous comprendrez vous-même. Ya kwamba mwe wenyewe mtaelewa tu. Vous savez comment on a souffert pour avoir. Unajua namna gani tuliteseka juu ya kupata hii mji. Soyez maintenant responsable devant vos âmes. Mchukue buzito mbele ya manafsi yenu. Non. Hapana sikuseme vile. Il leur a donné. Alibapatia. Des instructions, des ordres stricts à observer. Maagizo na mashauri yao kushika ya nguvu. Sur la garde. Yule ya kukesha. Kuchunga de cette maison qui a été rebâtie ya sur sa sécurité. Ya ile nyumba ilijengululwa ipate kwa katika ukingo. L'église doit se sentir en sécurité. Kanisa inapaswa kujikuta katika ukingo. Que Dieu a établi des hommes sur lui responsables. Ya kwamba Mungu alibawekea batu kwa nafasi. Wale banakesha yule ya kanisa. Les frères et les sœurs doivent savoir que les gens que Dieu nous a établis pour garder nos âmes, pour garder notre église, ce ne sont pas des gens qui font des plaisanteries avec les péchés, qui ne s'amusent pas avec des ennemis. Eti ndugu Branham ashikufundishe ya kwamba haina kazi ya kanisa ya kufukuza mbali mambo mwitu. Ile ni kazi ya bachungaji ya kukesha yulu ya kanisa. C'est pourquoi on ne peut pas les établir avec légèreté. Je commande à Bawes kubaweka na misa dans l'exercice de leur fonction. Mukazi yabo, ils doivent être sérieux. Banapashi kubeba mambo yote na roho yote. Ils doivent être fidèles. Banapashi kuwa baminifu. Ils doivent être stricts. Banapashi kuwa banguvu bakamilifu. Ils doivent veiller. Banapashi kukesha. Ils sont vigilants. Beko na sopa, beko na kesha. Ils suivent les instructions de Dieu. Ils ont les instructions de Dieu. Beko na maagizo ya Mungu. Réglez ces écouteurs. Ils ont les instructions de Dieu. Qu'on a maagizo ya Mungu. Ils avaient reçu de la part de Néhémie. Ils avaient ripokea kwa upande wa Néhémie. Wani Néhémie avait rétabli toutes choses. Alirudisha kila kitu. Selon la loi de Moïse. Kufuatana na sheria ya Musa. C'est vrai. Ya kweli. Des gens responsables. Batu benye kwa na buzito. Des hommes fidèles. Batu baminifu. Qui gardait le peuple de Dieu et la ville. Wale walikuwa wanachunga taifa ya Mungu na mji. Avec tout le sérieux. Na roho ya boyote. Et l'église a le droit de se sentir en sécurité. Na kanisa nayo kuna ruhusa ya kujisikia katika ukingo. Namna ya kusema. L'église sait que. Kanisa inajua ya kwamba. Mukanisa yetu humu. Na notre église ici. Pa mafundisho ya bongo kuingia. Pour que les fausses enseignements, les fausses doctrines puissent entrer, c'est très difficile. Mungu alituwekea bachungaji. Puisque Dieu nous a établi. Beko na kesha. Qui veille. Il ne fait pas cela. Il nous enseigne des fois de la vérité. C'est vrai. Bien query. S'il faut que tournons la marche. S'il faut gronder. Bah, ils vont gronder. Ils n'ont pas de compromis. Avant na masikilizano ya kufanya. L'église doit savoir. Ces hommes que Dieu a établis sont fidèles à la parole. Ils sont fidèles à leur mission. Ils ne feront pas de compromis ni avec les ennemis de l'église ni avec les ennemis de Dieu. Non. Ils veilleront. C'est vrai. C'est pourquoi Néhémie leur a donné des instructions. Aliwapatia maagizo wala mafundisho strict à observer. Ya nguvu ili wapate kuishika na kuitumikia. Pour la sécurité de la ville. Dia ukingo wa mji. Duku. L'église doit être sécurisée avec la parole. Kanisa inapaswa kukingwa na neno la Mungu. C'est pourquoi. Jo kamana l'église. Kanisa. Comme la pluie. Sawa. Et la colonne de la vérité. On doit seulement y apporter. Rien que la vérité. Paka ukweli. Parce que la vérité. Ukweli. Délivre le peuple. Ikuna komboa watu. C'est vrai. Bien kweli. Et même les ennemis de Dieu. Ata, na waadui ya et Mungu. Les ennemis de l'œuvre de na Dieu. Waadui ya kazi ya Mungu. Et les ennemis du peuple de na Dieu. Waadui ya taifa ya Mungu. Sauront que. Watajua ya kwamba. Kule ku Jérusalem. Là, à Jérusalem. Akwekale hakuna misa. Là, il n'y a pas de blague. Parce que Néhémie. Aliweka ko bantu. Il a établi déjà. Ils sont en train de veiller. Que celui qui a des oreilles entende asikie ce que l'Esprit dit à l'église. Kukanisa. C'est quoi vous verrez dans Néhémie chapitre 7. Je commande à Néhémie sura 7. Dans son verset 2, Mustari apili, J'ai donné mes ordres à Anania, mon frère. Nikaleta maagizo kwa Anania ndugu zangu. Anani mon frère. Kwa Anani ndugu zangu. Anania. Na kwa Anania. Chef de la citadelle. Mkubwa ule wa citadelle. C'est-à-dire la forteresse. Ah, manake ya. Qui commandait la ville. Alikuwa jemadari wa mji. Okay. Chef de la citadelle de Jérusalem. Jemadari wa mji ya Jérusalem. Oh, supérieur. Mtu mkuu. Au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Arkoma minifu kabisa kupitia boka bakogopa Mungu. Arikuya mwaminifu kupita bantu ba mingi. Il avait un grand nombre de fidélité de plus que tous les autres. Pourquoi Benjamin est fidèle, mais Anania était plus fidèle que beaucoup d'entre eux. Et il avait la crainte de Dieu. Il respectait la parole. Et il établit un ministère. Il les établit sur la ville. Pour veiller. Mapate kukesha yulu ya milango zake sur la ville. Mapate kukesha yulu ya mji. Et pour veiller sur sa population. Na mapate kukesha yulu ya taifa. Et troisièmement. Na katatu. Dieu inspira Nehemi. Mungu akamsukuma Nehemia kwa kiro. À faire le dénombrement. Mapate kuhesabu. De tout le peuple. Batu wote. Et de tout les lévites. Na apate kuhesabu balawi bote. C'est Dieu ni Mungu qui accompagnait Néhémie dans cette œuvre. Dieu alikuwa anamsindikiza Néhémie amuikaze. Après qu'il ait établi Anani et Anania. Kisha yeye kuweka Anania na Anania. Dieu vient encore vers Néhémie. Mungu akakuja tena mbele ya Néhémie. Il inspire à faire le dénombrement. Akamsukuma apate kuhesabu. Que tout le monde soit compté. Bantu bote baba hesabu. Et parmi le peuple. Na katikati ya watu. Et parmi le conducteur. Na katikati ya viongozi wa hesabu bote. Et quand on fit les dénombrements, c'est alors qu'Ennemi découvrit qu'il y avait des familles qui n'étaient pas de la race juive. Et des sacrificateurs sans titre généalogique qui étaient au milieu de la race juive et pour ces sacrificateurs il prit la résolution de les chasser de la tribu du sacerdoce et de les interdire de toucher aux choses saintes. N'est-ce pas un bon type? Hii, si mfano mzuri, picha mzuri. Comme nous l'avons toujours dit. Paka vile tunayesema kila mara. Il y a toujours eu parmi la race pure. Kunekalaka kila mara ukizazi safi. Des infiltrés. Batu bakujingiza. Que ce soit dans l'église. Ikiwa mkanisa, bamemba. Que ce soit parmi le peuple. Ikiwa katikati ya taifa. Que ce soit parmi les conducteurs. Ikiwa takatikati ya viongozi. Il y a toujours. Kunekalaka kila mara. Des infiltrés. Batu bakujingiza. Mais celui que Dieu établit. Alakini yule Mungu anaweka. À la reconstruction de son œuvre. Majengo ya kazi yake. Dieu lui donne une haute connaissance. Mungu anampatia ufahamu ya juu. Il lui donne un grand discernement. Anampatia kutambua kwa roho kwa juu. Il inspire toujours. Anamsukuma kila mara. Pour faire des choses. Juu apate kufanya vitu. De manière à sécuriser le peuple. Munamna ya kukinga na kulinda taifa. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est pourquoi. Njo kwa maana. Un conducteur. Kiongozi. Peut poser un acte anawezi kutenda tendo que tout le monde ne peut pas comprendre. Ile watu wote hawawezi kuelewa. Mais sous l'inspiration divine. Lakini chini ya uongozi ya Mungu. Oui, bien, mes frères. Unaona ndugu mpendwa. C'est pourquoi dans la conduite d'une église locale. Ndio maana mkuongoza kwa kanisa hapa hali. Il est très prudent aux membres de l'église. Iko mzuri sana kwa wa membe wa kanisa. De ne pas s'y mixer. Basi jiingize mo. pour ne pas se charger d'un péché. Tu n'as pas la responsabilité de conduire une église. Laissez les mains libres à ceux que Dieu a donné la responsabilité de conduire le peuple de Dieu sous l'inspiration divine. L'église est avec moi. C'est pourquoi vous voyez dans l'enseignement de Frère Branham, il dit dans l'ordre dans l'église une seule tête dans une église locale, pas deux. Dans chaque église locale, il y a seulement un seul pasteur, pas deux pasteurs. Il y a seulement une seule tête par deux. Quand Dieu a besoin de faire quelque chose dans son église, il ira vers l'ancien pour lui inspirer des choses qui seront enseignées, des choses qui seront dites, des choses qui seront faites dans l'église pour sa paix Dieu a salama ya kanisa, et pour sa sécurité. Na Dieu a ukingo wa kanisa. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Il y a dans l'église des gens huku mukanisa batu à tout temps wale wanapenda kila mara être derrière les hommes de Dieu bakuwa kumukongo watumishi ya Mungu ya kubambia biabo kufanya. Ne le faites pas parce que cela n'est pas votre charge. Mujifanye vile Dieu haina busito bwenu. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Quand Dieu établit quelqu'un pour son œuvre, il donne toutes les capacités nécessaires pour exercer cette charge-là. Il est cage à l'empathie, il est mautumishi. Sans faille. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes sœurs. Dieu sera avec lui. Mungu atakuwa pamoja même naye. S'il commettait une erreur dans la sincérité, c'est lui qui l'a établi, reviendra lui-même pour tena, le redresser. Vous voyez, unaona. Et lui aussi naye, redressera la chose parmi kitu. Le peuple sur lequel a été établi. Katikati ya taifa ile, yulu yaye, Mungu alimweka. Une seule tête. Kichwa kimoja tu. Et Frère Branham disait, na ntuku Branham alikuwa anasema, si un homme avec deux têtes, ukiona mtu na vichwa viwili, il est anormal. Ana mwenye kueneana. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpendi. Je n'ai pas allé à Anania. Mungu asikuende kwa Anania. Il n'est pas allé voir Anania. Asikuende kumuona Anania. Il est allé voir Néhémie. Alienda kumuona Néhémie. C'est lui qui avait le plan de la reconstruction de la ville. Ya kuyengulula mji. Le plan de la reconstruction de la ville. Mapu ya kuyengulula mji. N'était pas entre les mains d'Anania. Haikukua hata mikono ya Anania. Le plan de la reconstruction de la ville. Ya kuyengulula mji. N'était entre les mains de Néhémie. Ilikuwa mu mikono ya Néhémie. C'est vrai. Ni vya kweli. Et quand Néhémie commence à dénombrer les gens, wakati Néhémie alianza kuhesabu watu, tout le monde ne comprenait pas. Watu wote hawakuelewa juu ya nini. Bado basi hata kumwambia. Nous sommes rentrés de la captivité. Wakati tunatokea mfungwa. Même au temps d'Ezra. Hata mwakati Ezra. On a fait le dénombrement. Bari hesabu watu. Quand nous sommes venus avec Zorobabel. Wakati tulikuja na Zorobabel. Josué. Na Yoshua. Barikuwa wanesha kuhesabu watu. Sasa namna gani Nehemia analamka tena leo? Anapenda tena bahesabu watu mara ya pili. Ile le faisait pas par lui-même. Atakuifanya kwa yeye moya. Ile faisait. Alikuwa anaifanya. Sous l'inspiration. Ya uongozi ya Roho. Ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y avait des infiltrés. Kwani kulikuwa watu walijiingiza. Katikati ya taifa ya Mungu na katikati ya viongozi. C'est vrai. Mbia kweli. Et Dieu fait cela. Mungu anaifanya vile. Et quand Dieu le fit. Wakati Mungu alifanya vile. Regardez dans Néhémie au chapitre 7. Tazameni mu Néhémie sura 7. Dans son verset 5. Musari ya 5. Mon Dieu m'a mis au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire les dénombrements. Vous voyez? Mungu wangu akaniweka mu moyo yangu nipate kukusanisha wakubwa, wamzi, taifa yote mzima, nipate kuhesabu watu. Dans le verset 61 jusqu'au verset 65, voici ceux qui partent de Telmelash, Tel Arash, de Kerbi Adam, na kule ku Keribadon, et d'Imer, na kule ku Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race. Bale aba koneshe nyumba ya baba zazi yabo na koneshe kizazi yabo. Jua kuhakikisha. Ils étaient d'Israël. Jua kuhakikisha sema walikuwa baba wa Israeli. Les fils de Delaja. Batoto ya Delaja. Les fils de Tobija. Batoto ya Tobija. Les fils de Nekoda. Na batoto ya Nekoda. 642,000. Ah! 642,000. 642,000. Bwingikan. 642,000 ya elfu. Balikuwa ba mingi sana. Les infiltrés, très nombreux. 642,000. 642. Ils étaient très nombreux. 642 personnes. 642 ya watu. Qui n'ont pas pu prouver. Bale ba kuhakikishe. Qu'ils étaient d'Israël. Ya kwamba walitoke ya walikuwa kizazi ya Israël. Na katikati ya makuhani. Les fils de Obaja. Batoto ya Obaja. Fils. Les fils d'Akot. Na batoto ya Hakot. Les fils de Barzilai. Na batoto ya Barzilai. Qui avait pris pour femme. Bale walichugua sawa wa bibi. Une des filles de Barzilai. Mmoja wa binti wa Barzilai. Wa Galadita. Et fut appelé de leur nom. Na waliitwa kwa ile jina lake. Ils cherchaient leur titre généalogique. Barikuwa natafuta kizazi yabo ni ya wapi. Alaki. Ils ne trouvèrent point. Akikonekana kizazi yabo. Les esprits du sacerdoce. Bakabatosha mkikuani. Et le gouverneur leur dit. Na liwani akawaambia. Ne pas manger des choses très saintes. Ya kwamba bashikule tena vitu takatifu. Jusqu'à ce qu'un sacrificateur. Kufika na pale. Et consulte. L'urim et tumim. Kufika na pale mkuani apate kuuliza kuurimu na tumimu. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada yangu. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Mungu eko na utawalo muile eko nafanya. Regardez tous ces gens ici. Tazameni aba bantu bote aba. 642 personnes. Mia sita na makumi ine na mbili ya watu. C'était une armée. Ilikuwa ni jeshi mzima. Pour détruire les Juifs. Via kuharibu Bayuda. Regardez parmi les sacrificateurs. Tazameni hata katikati ya bakuani. Beaucoup de fils de faux sacrificateurs. Barikuwa bakuani ba mingi ba bongo barikuwa katikati mule. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpeni. Mais le peuple, alakini taifa, avant ce dénombrement, le watu, peuple considérait ce faux comme de la race d'Israël. Taifa, il considérait aussi ce faux sacrificateur comme les enfants de Lévite, batu, de la famille de Lévite. Bele ya baesabu batu bote. Taifa ya Mungu iliwazia sema hapa wote bakuchingiza barikuwa ni watoto wa Israeli na hapa wote bakuchingiza mbakuani barikuwa na Balawi. Tout le monde dans l'église. Muntu wote mukanisa. N'est pas doté d'un œil d'un conducteur. Ana mwenye kupewa na licho ya kiongozi. Tout le monde dans l'église. Muntu wote mukanisa. Ne peut pas avoir une haute vision des choses comme le pasteur. Hawezi kuwa na kuona kwa yulu kwa kiro sawa pastori. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mbele. Sipo voyez même dans l'ordre de 58. Tuko maana mkiangalia muorde ya 58. Tuko na nama sema. La conduite du Saint-Esprit. Yuli ya ongozi ya Roho Mtakatifu. Le pasteur peut changer tout homme dans l'office. Mpastori anaweza kubadilisha mtu wote mmabuzito ya kazi ya kanisa. Nous l'avons déjà enseigné dans la sacrificature. Tunesha ifundisha kama ubiri ya kituani. Sous la conduite du Saint-Esprit. Chini ya ongozi ya Roho Mtakatifu. Le pasteur a le droit légal. Pastori yako na ruhusa ya halali. Tout officiant. Ya kubadilisha. N'œuvre plus. Kiongozi yote. La sécurité et la paix de l'église. Anaweza kutosha kiongozi wote asitumike tena mkanisa juu ya ukingo na usalama ya kanisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ce n'est pas tout le monde. Aina batu bote qui a cette charge. Aina batu bote menye kwa na ile buzito. Non, frère. Apana ndugu mpendwa. Non, ma sœur. Apana dada mpendwa. Si un pasteur n'a pas un bon discernement. Kama pastori ana na kuona kuzuri kwa roho, kutambua kuzuri kwa roho, son église est malheureuse. Kanisa yake ni yaole. C'est une église qui peut tomber dans les fausses doctrines n'importe quand. Ni kanisa ile inaweza kuanguka mafundisho ya bongo wakati yote yote. C'est pas même dans la Bible, dans la Comme on attend Biblia mwagano la kale. On ne pouvait jamais établir. Aba kuwezi kama kuweka un borne. Mutu walicho moya miope, wala mutu wasipokuona mzuri sentinel za wanzamu hapana. Il faut quelqu'un qui a de une bonne vision. Na pashi mutu leo naona mzuri. Il faut voir l'ennemi de loin. Na nasi kuona adui angaliki mbali. Et il commence à trompeter. Na pala atanza kupika parapanda. Voyez. Munaona. Pour avertir le peuple. Juu apate kukalamusha taifa ya Mungu. Toi tu peux voir quelqu'un. Wewe unaweza kuona mutu. Comme un homme de Dieu. Sawa kuwa mtumishi ya Mungu. Mais ce n'est pas la vision de celui que Dieu a établi. Japo ile aina kuona kwa ule Mungu alimweka. Toi tu peux dire. Wewe unaweza kusema. Pasteur. Pastori. Pourquoi tu laisses pas telle personne la prêcher? Dieu ni na mwache kuna mtu fulani ule ahubiri. Tu n'as pas établi telle personne dans le diaconat. Dieu ni na kuweka kwa mtu fulani na kwa apoche mash. C'est pas ton affaire. Ile aina mambo yako. Tu te mixes dans les choses qui ne te concernent pas. Unajiingiza mubitu bila vikuangalie. Es-tu nourri? Es-tu nesha ulishwa? De la vraie parole? Na neno la Mungu la kweli? Soyez satisfait de la parole. Ufurahikie tu neno la Mungu naisha. Et préparez-vous pour l'enlèvement. Ujitayarishe juu ya kunyanyuliwa. Tu n'es pas venu ici. Wewe haukukuja hapa. Pour commander l'église. Juanze kuongoza kanisa. Dieu ne t'a pas donné la surveillance de l'église. Mungu asikupatie uongozi ya kanisa. Dieu t'a appelé. Mungu alikuita tu. Pour t'enseigner des choses. Tu vas pas te confondre avec toi. Qui te conduiront à te préparer pour l'enlèvement. Ndio mitakusukuma ujitayarishe juu ya kunyanyuliwa. Limite-toi à cela. Wewe ushimamie paile. Le reste, laisse cela à ceux que Dieu a établi comme conducteur. Mabaki uyachie bale Mungu aliweka sawa. Tu as ton travail. Uko na kazi yako. Ils ont leur travail. Na bobe kona yapo. Venez à l'église. Ukuyo kanisa. Chantez. Imba. Payez vos dîmes. Ulipe chekuni yako. Ma sadaka yako. Utembele banduku. Faites du bien aux avancées. C'est déjà banduku. Suffisant. Ile inesha kuendelea. Priez pour l'église. Uombe kanisa. Priez pour le pasteur. Uombe wa pastori. Priez pour les frères. Uombe banduku na badada. C'est déjà un grand travail. Ile inesha kwa kazi mnene. Ne vous chargez pas de ce qui ne vous concerne. Ushiritwike na bile vya sipo kukuangalia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Très clair, hein? Iku wazi kabisa. Très simple. Na mwepesi. Voyez? Munaona? Nous sommes où? Tuku wapi? Nous sommes après la reconstruction. Tuku ni kisha majengo. Voyez? Munaona? On doit sécuriser. Pasi kukinga. Ce qu'on a déjà rebâti. Ile tunesha kuyengulula. On ne doit pas te laisser cela entre les mains de l'ennemi qui vient à point de mourir. Atuwezi kuyacha mikono ya adui. Ce que Dieu nous a déjà donné. Le Mungu anesha on doit le protéger. Tunapashi kuilinda, kuikinga. Ce n'est pas à démolir encore. Aina tena ya kubomola tena. Non bien aimé frère. Apana ndugu mpendwa. Non bien aimé sœur. Apana dada mpendwa. Et vous voyez. Na munaona. Le dénombrement d'ennemis. Kuhesabu kwa watu kwa Nehemia. Permis. Iliruhusu. À toute la race juive. Wa kizazi kyote ya Wayuda. De déceler. Wapate kuvumbula. Les étrangers. Bageni. Les infiltrés. Bale wakujingiza. Vous voyez. Munaona. Les agents dormants. Batu benye kulala. Au milieu du peuple. Katikati ya taifa ya Mungu. J'ai déjà parlé des agents dormants, non? Nesha kusemaka ya bafanya kazi benye kulala. Wafanya kazi wenye kulala. Ni baadhi ya kanisa. Wale wako wanachunga wakati ya mafao. Pour créer du trouble dans l'église. Ili wapate kuleta mzozo mkanisa. Heureusement Dieu. Lakini kwa bahati Mungu. Ne leur a jamais donné l'occasion. Asikubapatie ile bahati. Autant de Nehemi. Mwakati ya Nehemia. Parce qu'il veille. Kwani alikuwa na kesha. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Et quand Némi fut cela. Wakati Nehemia alifanya kisha yeye kuhesabu watu alifanya vile les faux furent décelés babongo bali bafumbula parmi les sacrificateurs katikati ya bakuani on les interdit de toucher aux choses sales bakabakataza wasiguse tena kubitu takatifu jusqu'à ce qu'on ait consulté l'urim et tumim kufika na pale walienda kuuliza kurim na tumim c'est alors que les chefs pale njoba kubwa sasa apportèrent plusieurs dons balileta sasa mazawadi ya mingi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les sacrificateurs et les lévites bakwani na balawi furent établis dans leur ville balibaweka sasa mamiji yabo et chacun à sa place na kila mtu pa fazi yake pour servir l'Éternel. Ya kumtumikia wa milele. L'église est avec moi. Kanisa na nifuata. Est-ce que vous voyez comment munaona namna gani fait quelque chose. Wakati Mungu anafanya kitu fulani. Il y a de l'ordre. Muku usawa. Il y a de l'harmonie. Muku mapatano. Oui, bien, mes frères. Unaona ndugu mpendwa. On ne pouvait pas offrir des dons. Hawakuwezi kuleta mazawadi. Pendant qu'il y avait des faux parmi les coups. Wakati ile mulikuwa babongo katikati ya viongozi. Qui n'était pas attaché à l'œuvre de Dieu. Bala bakuwa benge kwambatana na kazi ya Mungu. Pas le dénombrement. Wakati kuhesabu kwa watu. On a nettoyé. Bali safisha. La sacrificature. Kikuani kiote bali kisafisha. Il n'est resté que des gens. Kulibakia paka batu. Dans leur cœur. Bali moyo wabo. Était attaché à Dieu. Kwa yenye kwambatana na Mungu na yenye kupenda kazi ya Mungu. Des gens qui utiliseraient. Batu bali wangeweza kutumikisha. Na zawadi ile taifa au service de Dieu juu ya kutumikia na hiyo Mungu alavancement juu ya maendeleo ya ufalme wa Mungu. Munaona et chaque levite na kila mlawi kila mkuani dans sa ville mumuji yake et là dans sa ville mule mumuji yake mule à son poste anapashi kuwa pafazi yake ya kazi pour servir le Seigneur apate kumutumikia Bwana. Dieu de paix Mungu wa salama et d'ordre na wa usawa il fait toutes choses anafanya kila kitu pour la sécurité juu ya ukingo et la paix na juu ya amani ya taifa yake. Qui est enseigné yote ile nafundishiwa dans l'église mukanisa doit concourir na pashuku wako juya a sa paix ya salama yake a sa sécurité ya ukingo yake et a sa croissance juya kukomala yake. On doit pas accepter dans l'église atuwezi kama kuitikia mukanisa un enseignement mafundisho qui démolit ile na bomola qui décourage ya lekesha le peuple de Dieu taifa ya Mungu hapana. C'est vrai. Ni bien quoi. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Mungu wewe unafanya kitu kiote kizuri mu wakati yake. Wakati yake. Chaque lévite, kila mulawi, chaque sacrificateur, kila mukuani, dans sa ville, mumuji yake, et chacun, na kila mutu, à sa place, pa fazi yake, pour servir, ya kutumikia wa milele. Pas de confusion. Hapana mvuruko. Pas de kafuyage. Hakuna bia kufuia fazi. Pas de précipitation. Hakuna mambo ya kuharaka kwenda haraka. Hapana ndugu mpendwa. Un homme qui est appelé par Dieu, mtu ule mwenye kuitiwa na Mungu, ne peut pas travailler en conflit avec les autres. Hawezi kutumika makokotano na bengine hapana. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a seulement la complémentarité. Kwani mkazi ya Mungu Mungu paka kusaidiana. La guerre, wakati l'opposition, vita, les discussions naissent dans l'église. Comprenez kanisa. Que l'esprit de l'ennemi est entré. Mwelewa kwamba roho ya adui inaingia. Le frère banduku travaille dans l'harmonie. Banatumikaka katika mapatano. Le frère travaille dans la paix. Banatumikaka musalama na salama. Le frère travaille dans l'affection. Banatumikaka katika mapendo. Le frère travaille dans la compréhension. Banduku banatumikaka mukuelewana. Le frère travaille dans la même pensée. Banatumikaka muwazo moja. Le frère travaille avec un même objectif. Beko natumika na kifukuzio kimoja. Ils sont tous serviteurs. Bote ni batumishi. Dieu très ya Mungu aliye juu sana. Et chacun fait, na kila mtu yuko nafanya, ce que Dieu lui a recommandé de faire. Ile Mungu alimwagizia apate kufanya. C'est vrai. Bien kweli. Quand il y a maintenant la guerre, wakati ile kuna kwa vita, ce n'est pas Dieu. Ule ana Mungu. Quand les gens commencent, wakati watu wanaanza à s'étendre des pièges, kujiteka mtego, pour l'œuvre de Dieu c'est faux. Dieu a kazi ya Mungu bile ni vya bongo. Wewe una la Mungu anasema niko na kumania kazi ya Mungu. Mimi na mimi nasema tu unakumania kazi ya Mungu. Je combat pour la parole de Dieu. Moi aussi je dis combat pour la parole de Dieu. C'est faux. C'est faux. Ni vya bongo. Je sais pas. Abikala keko. Dans l'œuvre de Dieu on commence à s'empoisonner. Kazi ya Mungu wanaanza kutiana sumu. Non, c'est faux. Ile ni vya bongo. C'est Satan. Ule ni shetani. Dans l'œuvre de Dieu, ya Mungu, on commence à se mépriser. Anaza kubeulana. Non, non, c'est faux. Bia bongo. C'est faux, frère. Bia bongo, nduku. Ce sont des frères. Ni banduku. Ce sont des frères de sang qui travaillent ensemble. Ni banduku ba damu moya njowe kona tumika pamoya. Ils se supportent dans l'affection. Deko na vumiliana ndani ya mapendo. Ils veulent voir leur maison croître. Banapenda kuona nyumba yabo ikomale yendere. Être apprécié même par les gens du dehors. Ipate kufurahikiwa hata na watu ya nje. Quand la paix, wakati l'ordre, usalama, la tranquillité, usawa na ukimya, inatawala makanisa. Même les gens du dehors se tiennent et le disent. Hata watu ya nje wanasimama na kusema, Dieu soit loué, Mungu asifiwe. Cette église est en paix. Hii kanisa iko msalama. Mais quand l'église est en paix, hata wakati kanisa iko msalama, il ne faut jamais l'oublier. Mushisabu kamwe. Satan aussi. Setani naye. Rode toujours. Eko na zunguka. C'est pourquoi les conducteurs. Kwa maana viongozi. Wawe veye. Banapashi kukesha. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. C'est ainsi que. Ni muina muna basi. Dieu maintenant. Mungu sasa. A suscité un grand réveil. Alilamusha wamsho mkubwa. Un grand réveil spirituel. Wamsho mkubwa ya kiroho. Éclata. Ikaamuka. Sous la conduite d'Ezra. Chini ya uongozi ya Ezra. Et Nehemi qui l'assistait. Na Nehemi ule alikuwa anamsaidia. Un réveil spirituel. Wamsho ya kiroho. Ne peut jamais venir dans l'église. Haiwezi kama kuya mkanisa katikati ya taifa desordonné ya bafujo hapana non ça ne peut pas se faire. Dieu ne peut jamais envoyer Mungu hawezi kama kutuma réveil parmi un peuple désordonné wamsho katikati ya watu mambo bafujo hapana il n'a jamais fait le faire Mungu haifanyaka vile na istaka ifanyaka kamwe. C'est vrai. Bien quoi. Et avant que les réveils ne viennent. Bele ya wamsho kuja. Il n'y a pas de réveil. Akuikalake wamsho. Sans parole de Dieu. Bila kuwa neno la Mungu. Il n'y a pas de réveil sans parole de Dieu. Akuikalake. Ça n'existe pas. Wamsho bila neno la Mungu ila ikalake ko. Mtakatifu qui a mis le réveil parmi son peuple. Joy kuna leta wamsho katikati ya taifa yake. Pour que le réveil, pour que le peuple reçoive un réveil. Pate kupokea wamsho. Ils doivent d'abord être en ordre. Bana pashi kwa le peuple doit être en ordre. Taifa inapashi kuwa katika usawa. Après que le peuple soit en ordre. Kwa musawa, la parole de Dieu. Neno la Mungu. Doit être apporté. Inapashi kuhubiriwa. La prédication de la parole de vérité, neno la ukweli, c'est elle qui amène l'esprit de réveil. Je kuna leta roho ya uamsho. Quand le peuple est en ordre, wakati est en paix, maintenant, na sasa, le peuple attend vale taifa l'action ngoja, divine. Tendo ya kimungu. L'autel. Mazabu. Était déjà répartis. Balikuwa banesha yengulula. Sous la conduite de Zorobabel. Chini ya ongozi ya Zorobabeli. Et de Josué. Na ya Yoshua. Dans ses anciens fondements. Muma misingi ya yoya zamani. L'église elle-même, la maison de Dieu, kanisa ya yenye nyumba ya Mungu, était déjà rebâtie. Ilikuwa inesha yengululwa. Par Zorobabel. Na Zorobabel. Et Josué. Na Yoshua. Vous voyez. Munaona. Sous ses anciens fondements. Muma misingi ya yoya zamani. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Était déjà livrée. Balikuwa inesha itoa. Vous voyez. Munaona. Par Néhémie. Kupitia Néhémia. La parole doctrinale. Neno. Était déjà au milieu de. Ya msingi ilikuwa katikati yabo. Dieu envoyé maintenant Néhémie. Mungu akatuma tena Nehemi. Il a rebâti maintenant la ville. Anayengulula sasa muji. Et les faux ont été écartés. Na batu babongo bali baondosha. L'ordre était mis dans les camps. Usawa baliweka mukampi. Vous voyez? Munaona? Et na chaque serviteur. Kila mutumishi. À sa place. Alikuwa pafazi yake. Les dons. Mazawadi. Était déjà offert. Barikombanisha ileta. Pour que les sacrificateurs. Ya bakuani. Et les levites. Na balawi. Et de quoi offrir. Bapati kuwa na kia kutoa. Et de quoi servir le Seigneur. Na kia kumutumikia na kimungu. Tout était à leur place, à sa place. Bote barikuwa kila mtu pafazi yake. Vous voyez. Munaona. Et tout le monde. Na kila mtu. Na, ne s'attendait. Barikuwa na jongoja tu. Ka Dieu. Kwa Mungu. Et avant que Dieu ne vienne, Bele ya Mungu apate kuja, il fallait maintenant que la parole de Dieu, il y passa kwanza neno la Mungu, soit prêché, ipate kuhubiriwa. C'est ainsi que dans Néhémie chapitre 8, ni mwina muna Néhémie sura 8, le peuple s'assembla comme un seul homme devant la porte des eaux. Taifa ilikusanika sawa mtu mmoja mbele ya mulango wa maji. Quand tout était en ordre. Kwani biote bilikuwa katika usawa. Le peuple s'assembla. Watu walikusanika. Tous. Bote. Comme un seul homme. Sawa mtu mmoja tu. Il n'y avait pas de division. Akukua mambo kabulana. Parmi le peuple de Dieu. Katikati ya taifa ya Mungu. Il n'y avait pas. Akukue. De sentiments partagés. Mania kwa chana chana. Au milieu du peuple de Dieu. Katikati ya taifa ya Mungu hapana. Tous. Bote. Comme un seul homme. Sawa mtu mmoja. S'assembler. Barikusanika. Devant le temple. Bele ya mesa. On apporta le livre de la loi. Ezra. Bakaleta sasa kitabu ya sheria mbele ya Ezra. Et l'assemblée était composée. Mkusaniko. Des hommes. Ilikuwa na. Des femmes. Wanaume na wanawake. Et tous ceux qui étaient capables. Na wale wote walikuwa mukimo. D'entendre. Ya kusikiliza. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Ce n'était pas au bébé. Abakwe batoto bachanga pana. Des gens qui étaient capables. Batu bale walikuwa mukimo ya kusikia neno la Mungu. Qui avait de l'intérêt. Bale walikuwa mona faida muneno la Mungu. De Dieu. Muneno la Mungu. Qui voulait comprendre. Bale walipenda baelewe. Quelque chose. Kitu fulani. Dans la parole de Dieu. Muneno la Mungu. Ils sont entrés. C'est pour adorer Dieu. Ni Dieu akumwabudu Mungu. Ils voulaient entendre. Bali penda wasikie. Comment servir ce Dieu-là? Namna kani akumtumikia ule Mungu. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. Et Ezra? Na Ezra? C'était maintenant devant le peuple. Sasa akasimama mbele ya taifa. Sur l'estrade qui était fait à l'occasion. Pamimbari ile balitengeneze juu ile. Mandamano, il lit akasoma dans le livre mukitabo pendant 6 heures kadiri ya sasita. Ces gens étaient, voyez, ils aimaient tellement Dieu. Wali mpenda sana. J'aime que vous compreniez, que vous remarquiez le comportement du peuple. Mina penda muone namna ya kutenda taifa. Ezra a commencé sa prédication. Alianza mahubiri yake. Depuis le matin. Tangia asubuhi. Jusqu'à 12 heures. Kufika na hiyo wakati. Six heures. Masaa sita. De prédication. Ya mahubiri. Et tout le Kila mutu. Chacun était à sa place. Kila mutu alikuwa pa fazi yake. Calme. Kimya. Attentif. Mwenye kuteka sikio. À ce que l'homme de Dieu. Uile mtumishi wa Mungu. Était en train de lire. Alikuwa na soma. Vous voyez frère. Munaona nduku. Il n'y avait pas de désordre. Amukwe fujo. Il n'y avait pas de va-et-vient. Amukwe kutoka na kuingia. Kila mtu. Chacun. Arependa ekele kimya. Voudrait être en silence. Achikie bila ambao Ezra. Pour écouter. Atasema kuupande ya Mungu. Peke Ezra devait parler de la part de Dieu. Kitu hata kimwa kitamupita. Il n'y a aucune chose qui va l'échapper. Vous voyez. Unaona. Personne ne voulait. Hakuna ula ripenda. Qu'il y ait quelque chose qui l'échapperait. Kukwe kitu hata kimoja kile atakosa kusikia. Est-ce que c'est ça l'attitude? Eti ile njo ali? Que nous avons dans l'église? Ile tuko nayo mkanisa? Vous voyez même dans l'ordre dans l'église. Tuko même taona hata musa wa mkanisa. Le message. Ujumbe. Ne veut pas de va et vient. Aipende mambo ya kuingia na kutoka. Kumbranama alitufundisha. Quand le prédicateur monte en chair. Wakati mhubiri anapanda mimbari. Wakati pastore kumimbari. Chaque frère. Kila nduku. Et chaque sœur. Na dada. Doit rester à sa place. Anapashi kubakia pa fazi yake. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que le Tout-Puissant. Wani mwenyezi. Va maintenant parler. Atasema sasa hivi. Et tout le monde veut entendre. Na kila mtu anapenda kusikia. Ce que Dieu dira. Kile Mungu atasema. Et tout le monde. Na kila mtu est attentif. Anateka sikio. Pas des gens qui dorment dans l'église. Hapana watu wakusinzia. Pas des gens qui pensent aux enfants qu'ils ont abandonnés à la maison. Watu wale wanawaza. Pas des gens qui pensent. Wanakumbuka. Mashamba yabo. Adel commerce. Wanakumbuka biashara yabo. Visite. Wanakumbuka matembezi yabo. Wakati kumuwepo ya Mungu. Toute notre pensée. Wazo yetu yote. Doit être fixée. Napashi kumuelekea. A la parole. Paka neno la Mungu yelekee kwa kuneno la Mungu. Nos oreilles. Masikio yetu. Nos yeux. Macho zetu. Doivent se fixer. Napashi kumuangalia. Sur le prédicateur. Afin de recevoir ce qui vient de la part du Seigneur. Ce qui dira de la part du Seigneur. Atasema kwa upande wa Mungu. Pas des gens distraits. Hapana watu wa kulengama. Pas des gens qui sortent. Hapana watu wa kutoka. Des gens qui rentrent. Na kuingia. Pas des gens qui dorment. Watu wa kulala. Des gens qui parlent à leurs voisins. Anaongea na mtu mwingine. Anaongea na jirani. Hapana. Car le prédicateur monte. Wakati mhubiri anapanda kumbali. Watu wote. Doit être à sa place. Anapashi kala kila mtu pa fazi yake. Un calme plat. Na kimya kabisa. Doit y avoir un silence dans l'église. Kwa mkwe ukimya mkanisa. Et qu'est-ce qu'on entend dans l'église? Ni nini tuasikia mkanisa? Quand le prédicateur monte. Wakati mhubiri anapanda. Il prie. Anaomba. Il bénit Dieu. Anabariki Mungu. Il bénit le peuple. Anabariki taifa. Qu'est-ce qu'on doit entendre dans l'église? Ni nini tunapashi usikia mkanisa? Amen. Ni paka maamina. Vous voyez? Munaona? Le peuple répond. Taifa tajibu. À la prédication. Kwa mhubiri. Par amen. Na amina. Dire au Seigneur. Usema na Bwana. Dieu Tout-Puissant. Mungu mwenyezi. Accompli dans notre vie les choses yetu. Là que tu nous as dit par la voix de ton serviteur. Kupitia mtumishi wako. Qu'il en soit ainsi dans toute notre vie yetu yote, comme tu viens de le dire. Vile unatoka mkuisema. Ce signifie amen. Ndio maana ya amina. Neno la Mungu itimilike kama vile maisha yangu comme tu l'as dit Seigneur ndio natoka mkuisema Bwana. C'est vrai. Bia kweli. Il était là. Alikuwa pale. Et tout le peuple. Watu wote. Était attentif à la loi, à la lecture de la loi. Waliteka sikio kusomi wa sheria. Ezra monte. Ezra anapanda mimbari. Il bénit l'Éternel. Akabariki wa milele. Le peuple répond, amen, amen. Na watu wakajibu, amina, amina. Il levait les mains. Wakaamsha mikono. Il levait les mains. Waliamsha mikono. Il s'inclinait. Walikuwa na inama. Contre la terre pour adorer le Seigneur. Chini juu ya kumwabudu Bwana, juu ya kusema. Tu es digne, Seigneur. Unastahili. Tu es digne, Seigneur. Unastahili, Bwana. Tu mérites la gloire. Na staili masifa, tu mérites l'honneur. Na staili heshima. Tu mérites la puissance. Na staili uwezo. Tu mérites la magnificence. Na staili utukufu. Nous nous reconnaissons comme tes serviteurs. Tunajitambua sawa batumishi yako. Bale urukomboa. Depuis l'Egypte. Tangia Misri. Tu nous as rachetés. Tu nous as tukomboa. Kutoka. Ah, mikono ya Babeli. Tu nous as ramenés dans notre pays. Nous disons, merci Seigneur. Maintenant nous voulons que notre vie reflète cette loi que ton serviteur est en train de lire. Pas de gens. Hapana watu. Une heure de prédication, tout le monde est fatigué. Ça moja tu ya mahubiri bote banchoka. Et en plus de ça, ce qui m'a étonné. Ile linshangaisha. Ces gens ici étaient tous debout. Hawa watu wote walikuwa bwima venye usimama. Lakini mwaye mwonesha ikala muna nanda. Bo, walikuwa bwima. Pendant 6 heures. Kadiri ya masaa 6. Kila mtu pafazi yake. Vous lirez cela dans le chapitre 8. Mutaisoma msura mnane. Oui, bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Et quand Néhémie expliquait la loi, wakati Ezra expliquait la loi, wakati Ezra alikuwa anafasilia sheria, tout le monde était à sa place. Kila mtu alikuwa kwa fazi yake. C'est vrai. Mbia kweli. Et Néhémie, na Néhémie, la Bible dit, Biblia nasema, il lisait distinctement alikuwa nasoma dans les livres de la loi, mzuri mzuri, et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Alikuwa anasoma mzuri mzuri na sawa sawa mkitabu ya sheria juu apate kufasilia mzuri wale walikuwa nasikia wapate kuelewa ni kweli. Et quand le peuple de Dieu, wakati taifa ya Mungu, comprenait ce qui était expliqué, walikuwa naelewa ile walikuwa nawafasilia ce qui était lu, na ile walikuwa nawasomea, leur cœur inondé de joie, moyo wao ulijaa na furaha. Unaona ndugu mpendwa, taifa yenye kununuliwa kukombolewa, yenye kombolewa, écoute la parole de Dieu, niko nasikia neno la Mungu avec joie, na furaha mingi. C'est vrai frère, ya kweli nduku. Les esclaves, batumwa, écoute la parole de Dieu, wanasikia neno la Mungu avec tristesse, na huzuni. Ils chantent avec tristesse. Wanaimba na huzuni. Ils viennent à l'église avec tristesse. Wanakuja kanisa na huzuni. Ils écoutent la parole avec tristesse. Wanasikia neno la Mungu na huzuni na kusula. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Un homme délivré. Mtu mwenye kukombolewa. Qui comprend. Ule anaelewa. La vérité de la parole. Kweli ya neno la Mungu. Il se réjouit dans son cœur. Yeye anafurahi moyo wake. Amen. Amina. Il a compris. Wani anaelewa. Les explications que Dieu lui donne. Mungu pour sa paix et pour son bien. Juu ya salama yake na juu ya vizuri vyake. Et quand il y compris. Wakati walielewa. Il pleurait de joie. Walikuwa nalia kilio ya furaha. Il pleurait de joie. Walikuwa nalia kulia kwa furaha. Et maintenant les hommes de Dieu leur disaient. Sasa watumishi wa Mungu walikuwa nawaambia. Ne pleurez pas. Musilie. C'est un temps de consolation. Wakati ya faraja. Nous sommes un peuple libre. Tuku taifa huru. Nous sommes un peuple délivré. Tuku taifa yenye kukombolewa. Nous sommes sur notre terre. Sasa tuku mwinchi yetu. Nous sommes sur notre terre natale. Tuku mwinchi yetu ya kizalikio. Ne pleurez plus. Musilie tena. La, le temple est reconstruit. Hekalu basho yengulula. La ville est reconstruite. Muji wanaijengulula. Nous sommes ramenés dans notre pays. Wanaturudisha mwinchi yetu. Nous sommes là à adorer librement notre Dieu. Aina tena wakati. Un jour de pleurs. Aina tena siku akilio. C'est un temps de jouissance. Wakati ya furaha mnene. Un temps de reconnaissance à notre Dieu. Wakati ya kumshukuru Mungu wetu. Un temps de remercier le Seigneur. Wakati ya kumfikia Mungu wetu. Nous étions des esclaves. Tulikuwa watumwa. Nous sommes des gens libres. Sasa tunakuwa watu huru. Un homme est délivré. Wakati mtu anakombolewa toka dhambi. Il est tout joyeux. Kila mara yuko katika furaha. D'avoir retrouvé ripata, son sauveur. Mokozi wake. C'est vrai frère. D'avoir retrouvé son Dieu. Vila ripata, son Seigneur. Na bwana wake na Mungu wake. Et les hommes de Dieu disaient. Na watumishi wa Mungu walikuwa nasema. Walikuwa nawatia nguvu. Na kusema. Ne pleurez pas. Musilie tena. La joie de l'Éternel. Wali furaha wa milele. Sera votre force. Itakuwa ndio nguvu zenu. Nduku. La joie de Dieu. Furaha ya Mungu. Et notre force. Nguvu zetu. C'est vrai frère. Bien quoi nduku. Confiez-vous à l'Éternel. Mutumainie wa milele. Nous confions en Dieu. Sisi tunamtumainia Mungu. C'est lui qui se confie en Dieu. Mwenye kutumainia Mungu. Anafanya upya nguvu zake. C'est vrai frère. Bien quoi nduku. Ba mingi abashyaka neno la Mungu na furaha. Ne juu ni batumwa Batumwa ba shetani. Beaucoup de gens n'écoutent pas la parole de Dieu avec Jésus puisque ce sont des esclaves de Satan. Ba minga ba shikia keno la Mungu na furaha. Nombreux. Neju ni badui ba neno la Mungu na badui ba kanisa. Nombreux n'écoutent pas la parole de Dieu avec joie, c'est puisque ce sont des ennemis de l'église et des ennemis de Dieu. La parole de Dieu prêchée. Wakati neno la Mungu inahubiriwa. Ils entendent la parole de Dieu. Wala sikia neno la Mungu. Mumoyo wabo. Comme une attaque personnelle. Sawa mashambulio wanabakombanisha peke yabo. Unaona? Ils ne peuvent pas. Abawezi. Se réjouir. Kufurahikia. Mais ceux qui sont de Dieu. Benye kuwa ba Mungu. Qui sont retournés. Benye kurudia. Dans la maison du Père. Nyumba ya Baba. Écoute la parole avec joie. Wao manasikia neno la Mungu na furaha. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Il se réjouissait. Malikuwa na furahi. Il y avait une très grande de grandes réjouissances. Pourquoi furaha mnene? La parole de Dieu était lue. Neno la Mungu bali soma. Kila mtu pa fasi yake. Il n'y avait pas de dérangement. Hakukua mambo ya kuzuru. Kila mtu alikuwa anasikia. Pour son âme. Mahubiri juu ya nafsi yake. Juu ya peke yake. Et celui qui la comprenait disait amen. Na ule alikuwa anasikia na kuelewa alikuwa anasema amen na Bwana. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Car ils avaient compris. Kwani walielewa. Les paroles qu'on leur avait expliquées. Maneno yenyewe walikuwa nawafasilia. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Ils étaient là à côté. Walikuwa pembeni. De l'homme de Dieu Ezra. Ya mtumishi wa Mungu Ezra. Un véritable chrétien. Kristo wa kweli. Aimera toujours. Atapenda kila wakati. Rester à côté de l'homme de Dieu. Bakia pembeni ya mtumishi wa Mungu. Écouter la parole. Ili apate kusikia neno la Mungu. Un véritable chrétien. Kristo wa kweli. Voudra toujours être dans l'église. Atapenda kila mara kuwa mkanisa. Ili apate kusikia neno la Mungu. Il voudrait recevoir l'instruction. Atapenda poke maagizo majifunzo. Oui, bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. C'est vrai. Bia kweli. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Et quand le réveil est venu. Wakati wamsho ilifika. Quand le réveil est venu. Wakati wamsho ilifika. Tout le monde parmi le peuple. Batu bote katikati ya taifa. Voulait maintenant se sanctifier. Walipenda bajitakase. Quand l'esprit de Dieu. Wakati roho ya Mungu. Tombe au milieu du peuple. Ikianguka katikati ya taifa. Le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Ne voudra pas demeurer dans le péché. Haitapenda kamwe kudumu muzambi. Ils avaient compris la loi. Balielewa sheria. Ils avaient compris la parole de Dieu. Balisikia neno la Mungu. Tout était bien expliqué clairement. Yote balifasilia wazi wazi mzuri. Et le peuple de Dieu. Na taifa ya Mungu. Se réjouissait. Il furahia. Dans la présence du Seigneur. Mwepo wa Bwana. Et chacun. Na kila mtu binafsi. Se mettait maintenant en ordre. Alikuwa anatengeneza, alikuwa anaishi msawa. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Qui amène le réveil. Yenye kuleta uamsho. Amène aussi. Naleta tena. La prière. Maombi. Amène aussi tena, les jeunes. Mafungo, amène aussi kuomba, la repentance. Naleta tena kutubu, toba. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Amen. L'esprit de Dieu. Inaleta roho ya Mungu. L'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Amènera aussi le réveil. Na yote aleta uamsho. Quand le réveil vient. Wakati uamsho kifika. Tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu. Yeyote wenye kwa wa Mungu. Voudra être en ordre avec Dieu. Atapenda kwa musawa na Mungu. Tu te dis fils et fille de Dieu. Kanuwa, na jita, mwana mais wa Mungu, la parole de Dieu est apportée. Lakini neno la Mungu inahubiriwa. Mais tu ne veux pas mettre ta vie en ordre. Apende kutengeneza maisha yako. Grandirisi ton cœur dans le péché. Unafanya moyo wako kwa mgumu mzambi. Hapana. Il y a quelque chose de fou. Ukitu kimwa akendeke. Oui bien aimé frère. Dio nduku na dada mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Quand le peuple. Regardez dans le chapitre 9 de Néhémie. Tazameni mu sura 9 ya Néhémia. Lorsque l'esprit de réveil est venu, wakati roho ya uamsho ilifika, le peuple s'assembla encore, taifa revêtu de sacs, yenye vama couvert de la poussière, yenye jipaka majivu mavumbi. Le peuple se sépara de tous les étrangers, na wageni wote, tout en confessant na mukukiri leur iniquité wavu yabo yote. Quel réveil wa mshokani. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Akukala ke wa msho bila kutubu. Tout homme qui est sous l'esprit de réveil mutote mwenye kwa chini ya roho ya wa msho ne supporte pas le péché. Hawezi kama kuvumilia dhambi. Il est prêt à mettre en ordre ya toute sa vie. Maisha yake yote. Pana rikotola, là où il a fauté, il va arranger, réparer. Mzuri, là où il n'a pas marché correctement, il va réparer. Pourquoi? Nini, na mambo na Mungu. Il ne va pas avoir des différends avec Dieu, des problèmes avec Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Regardez dans Néhémie au chapitre 9. Dans le verset 2 à 3. Ceux qui étaient de la race d'Israël. Réveillez-vous. Mwamke. Ceux qui étaient de la race d'Israël. Pas tout le monde. Bale Israël. Bale bote de la race pure. Ceux qui étaient de la race d'Israël. S'étant séparés de tous les étrangers. Kujitenga na et confessèrent leurs péchés. Et leur iniquité, les iniquités de leur père. Bakasimama na kukiri, na kutubu zambi zabo, na wovu ya baba zao. Lorsqu'ils furent placés, wakati bariwe kwa, on lut dans les livres de la loi de l'Éternel, bakasoma mukitabu ya sheria, pendant un quart de la journée. On lit Bakasoma dans les livres de la loi de l'Éternel, de leur Dieu. Mu sheria ya wamilele Mungu wapo. Un quart de la journée. Kipande kia mchana. Et pendant un autre cas, na kipande ingine ya mchana, ils confessèrent leur péché, walikiri zambi zao, et adorèrent, na waliabudu, l'Éternel leur Dieu, wa milele Mungu wabo. Vous voyez, munaona, quand l'esprit de réveil vient, wakati roho ya amsho kikuja, tout celui qui s'est fils de Dieu, wote mwenye wa mwana wa Mungu, hawezi tena kudumu muzambi. Ni wakati ya yubile ya furaha. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpendwa. Un quart d'heure. Kipande ya mchana. La prédication. Mahubiri. Un quart d'heure. Kipande tena ya mchana ingine. Le peuple se repente. Taifa ya Mungu ikatubu. Je mets là. Mzee. Nasimamia kwanza pa. Tous les diables. Washimashi wote. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, na quand vous exhortez pendant une heure, subutisha, donnez suffisamment de temps aux gens, mwache après, watu, vous n'avez pas compris. Abuya elewa, sasa munaona. Vous ne pouvez pas vous exhorter pendant deux heures, hawezi kusubutisha masambili, vous donnez la prière de, aux gens batu pendant une heure. Batu baombe, sa moja apana. Le jour de la prière, ya maombi, on donne aux gens ni kupatia watu, suffisamment de temps de se répandre. Wakati mrefu ya kuomba mbele ya Bwana, ya kukiri mazambi zao. Ce n'est pas une journée de la parole. Haina siku ya neno la Mungu. C'est une journée de la prière. Ni siku ya maombi. On donne la parole. Unahubiri neno. Orienter les gens. Ndio kusukuma watu. On donne aussi le temps. Unawatia wakati tena. Tupate kutubu zambi zao. Et répandre leur cœur. Na kumwaga roho yao mbele ya Bwana. Un quart d'heure. Kipande ya mchana. De la lecture de la parole. Ya kusoma neno la Mungu. Un quart d'heure. Na kipande ya mchana. De la confession. Ya kukiri. Et de la repentance. Na ya kutubu. Ouais, bien, mes frères. Unaona ndugu mpendo. Un quart d'heure. Kipande ya mchana. De la prédication. Ya mahubiri. Un quart d'heure. Kipande ya mchana. De la confession. Ya kukiri. De leur péché. Ya zambi zao. Et en même temps. Tena. Ils adoraient. Wataabudu. Le Seigneur. Walimwabudu Bwana. Il disait, tu es bon. On reste ma Mungu ni mwema. Eko adamani. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Bia kweri dada. Et les hommes de Dieu. Na watumishi ya Mungu. Walilalamika na sauti ya nguvu. Ils exposaient. Walikuwa na onesha. Ils exposaient. Walikuwa na onesha. Les soucis du peuple racheté. Mangaiko ya taifa yenye kombolewa. Wale wali. Oh, Seigneur. Wale wali toka. Walifika mwinchi juu ya Bwana. Cependant, la présence, pendant qu'il y a présence de Dieu, qu'on profite de sa présence, pour demander toutes choses à Dieu. Mungu kila kitu. C'est vrai, frère. Bien kweli ndugu. C'est vrai, ma soeur. Bien kweli dada. C'était un grand réveil. Ilikuwa ni uamsho mnene mkubwa. Ils confessaient leurs péchés. Wanawana kiri zambi zao. Le mal qu'ils avaient fait. Ile kosa walikofanya. Ils demandaient grâce au Seigneur. Walikuwa namuomba Bwana neema. Ils voulaient retourner au Seigneur. Walipenda wamrudirie Bwana. Oui, bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. Et dans le chapitre 10. Na msura ya 10. De Néhémie. Ya Néhémie. Là vous verrez. Ule mtaona. Que les alliances. Ya kwamba maagano. Et les serments. Na maviapo. Furent tenus. Yote wali yapa. Vous voyez. Munaona. Israël maintenant. Israël sasa. A fait un serment. Akafanya, alifanya kiapo. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. De ne pas abandonner. Ya kwamba tuwezi kuacha. Kuacha nyumba ya. De ne pas abandonner. Tuwezi kuacha. Sa loi. Sheria yako. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada. C'était un temps de réveil. Ilikuwa ni wakati wa amsho. Le peuple. Taifa, ils confessaient leurs péchés. Walikuwa na kiri zambi zao. Ils se repentaient. Walikuwa na tubu. Ils demandaient grâce. Walikuwa naomba neema. Ils faisaient maintenant des serments. Walikuwa nafanya biapo. Ils faisaient alliance de fidélité. Agano ya uaminifu. Avec Dieu. Na Mungu. C'est vrai, frère. Ya kweli ndugu. Ils faisaient des promesses. Walikuwa na mulaka Mungu utifu. Et de respect à la loi de Dieu. Na kuheshimia sheria ya Mungu. Ils disaient Seigneur. Walikuwa nawaambia Bwana. Tulikosa kutii muda mrefu. Sasa tutaheshimu sheria yako. Tutaheshimu neno lako. Mukila kitu. Tutaheshimu sabato. Masiku yote ya sabato. Tutaheshimu makaramu zako. Ile uruweka katikati ya taifa yako. Ya kweli nduku. Ya kweli dada. Ils étaient réveillés. Bariamuka, bariamushwa. Par le Saint-Esprit. Narom takatifu. Ils ont fait des promesses. Balifanya malako. Ces gens n'étaient pas comme nous aujourd'hui. Awa watu awakuwe kawa sisi leo. Même dans notre manière de prier. Hata munamna yetu ya kuomba. Wakatuku ndani ya maombi. Quand vous demandez à Dieu. Unamuomba Mungu. Quelque chose. Kitu fulani. Vous confessez vos péchés. Unakiri zambi zako. Vous lui faites des promesses. Unamulaka malako. Seigneur. Bwana. Si tu me fais, tu me donnes ça. Kama ukinipatia kitu moi je ferai ça. Na mimi nitafanya hiki. Je ne ferai pas ça. Nitafanya tena kile. Nitafanya tena kingine. Sitafanya na kile kingine. Wewe ni mfere. Naona ndugu mfere. Si tu me donnes le Saint-Esprit. Unipatia roho takatifu. Je servirai. Mimi nitakutumikia. Sitawezi kuacha neno lako. Si tu me donnes le Saint-Esprit. Unipatia roho takatifu. Je ferai ça. Nitafanya hiki. Je payerai ma dîme. Nalipa chakula. Je vais donner mes offrandes. Je vais donner le Saint-Esprit. Moi, je vais consacrer ma maison. Et tout le bien. À ton service. C'était une journée de réveil. Voyez bien mes frères. Les gens faisaient des promesses. Seigneur. Si tu me délivres. Si tu me délivres. Je te serai obéissant. Je te serai obéissant. Jusqu'à la fin de ma vie. Kufika na mwisho wa maisha yangu. Unajua manjia nalifuata. Nalikuwa mtu mubaya. Nalikuwa na lofo kanisa. Wakati yote yote. Kwa vitu ya ovyo. Bwana. Ukuje unisaidie. Unaona? Si tu me donnes le Saint-Esprit. Kama ukinipatia Roho Mtakatifu. Takuwa kila siku. Kukanisa. Si tu me donnes le Saint-Esprit, ukinipatia Roho Mtakatifu. Je serai une bonne choriste. Mwimbaji mwema. Si tu me donnes le Saint-Esprit. Ukinipatia Roho Mtakatifu. Je serai. Takuwa. Un bon membre de l'église. Memba mwema wa kanisa. Mapato yangu yote. Mapato yangu yote. Je payerai mes dîmes. Talipa mache kumi na masadaka. Si tu me donnes le Saint-Esprit. Je supporterai. Tasaidia kazi yako. Si tu me donnes le Saint-Esprit. Ukinipatia Roho Mtakatifu. Tapenda. Tasaidia bantu kuna badala. Ukinipatia Roho Mtakatifu. J'aimerai tes serviteurs. Tapenda matumishi yako. Ukinipatia Roho Mtakatifu. Je lirai ta parole. Tasoma neno lako. Usiku na mchana. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Ils ont fait. Balifanya. Des serments de fidèles. Ma vie po ya uaminifu. Et Dieu aime cela. Na Mungu anapenda vile. Voyez bien mes frères. Unaona nduku mpendwa. Ils ont fait des promesses. Balifanya malako. Pour obéir. Jakuti. Et respecter tout toute la loi. Na kuheshimia sheria yote ya wamilele. Pour respecter les sabbats. Na kuheshimia masabato na makaramu. C'est vrai frère. Ya kweli. Ils ont pris un engagement. Walichukua mpango de payer toutes les dîmes. Ya kulipa machekumi yote. Et même la dîme de la dîme. Na chekumi ya chekumi. Ils ont fait l'engagement walifanya mpango de ne pas abandonner ya kwamba la maison de l'Éternel. Nyumba ya wamilele. Quel engagement. Mipango kani ile. Ah, c'était bien. Ilikuwa ni mzuri. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. Ils ont fait l'engagement walifanya de ne plus abandonner ya kwamba de ne plus jamais abandonner la maison de l'Éternel. Nyumba ya wamilele. C'est vrai. Ya kweli. Vous le lirez. Mtaisoma. Dans le verset 30, Musa ya makumi tatu. Verset 32, Musa ya makumi. Verset 37, makumi tatu na. Verset 38, tatu na munane. Le verset 39, makumi tatu na tisa. De Nehemia chapitre 10, ya Nehemia sura kumi. C'est ainsi dans le verset 39, Musa ya makumi tatu na tisa. La dernière partie, ipande ya mwisho. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Mwini na muna tulichugua mipango ya kwamba tuwezi kuacha nyumba ya Mungu wetu. Oui bien aimé frère. Dio nduku mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio da mpendwa. C'est Dieu. Ni Mungu. Quand Dieu est à l'œuvre. Wakati Mungu yuko mkazi. Le peuple dans la joie. Taifa ya Mungu iko mfura. Le peuple le sert avec joie. Taifa ya Mungu na mtumikia na furaha. Avec fidélité. Na uaminifu. Avec obéissance. Na utifu. Ils sont constants. Beko tu bila kubadilika. Bana ya kumpendeza Mungu. Oui bien aimé frère. Unaona nduku mpendwa. Frère Branham disait. Frère Branham alikuwa anasema. Même quand tu es malade. Hata kama uko mgonjwa. Quand tu pries Dieu, tu lui dis. Wakati unamuomba Mungu na kumwambia. Seigneur. Bwana. Si tu me guéris de cette maladie. Kama ukiniponya na magonjwa fulani. Moi. Mimi. Je ferai ceci. Tafanya iki. Si tu réponds ma prière favorablement. Ukinijibia. Sur mon époux. Kumaombi yangu yule ya bwana yangu, yule ya mke wangu. Sur mon fils. Yule ya mwana wangu. Sur ma fille. Yule ya binti wangu. Moi aussi. Mimi nami. Je te promets ça. Nakulaka iki. Dieu aime cela. Mungu anapenda vile. Quand vous priez. Wakati unaomba. Priez sur base de la promesse. Muombe yulu ya malako. Unaona. D'abord, vous rappelez à kwanza, Dieu ses promesses, ses paroles. Unamukumbusha malako yake na neno lake. Un Dieu fidèle. Je kumwambia si wewe Mungu kumwaminifu. Tu ne manques pas. Au kosake. À tes exigences. Utimiza malako yake. C'est que toi tu dis. Kile wewe Mungu anasema. C'est que toi tu accomplis. Ndio kile unatimiza. Na mimi. Si tu me donnes ça. Ukinipatia hiki. Si tu fais pour moi. Ukinipatia kile. Na mimi. Je te promets. Na kulaka. Que je ferai ça. Na kwamba tafanya na mimi kile. Takuwa. Un véritable chrétien. Mon Christ a quoi les mwanamke? Unaona. Faites des promesses à Dieu. Dieu umulake Mungu anapendaka vile. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Que tu fasses des promesses. Mungu anapenda umulake. Hapana kunaomba tu Mungu akupe vitu. Ufutakuwa na nini? Il faut pas seulement demander des choses avec lesquelles tu ne feras rien. Du travail. Kama ukinipa kazi. Moi je te servirai. Mimi nitakutumikia. Unaona ndugu mpendwa? Umulake Mungu vya kumulaka. Mungu anapendaka vile. Pas de prière égoïste. Hapana maombi ya uchoyo ya choyo. Si tu bénis mes affaires. Ukibariki makazi yangu. Moi je ferai ça. Mimi nitafanya hivi. C'est vrai frère. Si ndugu, tu me délivres. Ukinikomboa. De ces mauvais caractères. Na hii tabia mbaya. Moi aussi. Na mimi. Comme récompense. Tawamalipo. J'agirai de cette manière. Tatenda muina muna. Dieu aime celui. Mungu anapenda yule. Qui le prie. Anamuomba. Et qui fait des vœux. Na kumulaka biapo. C'est vrai frère. Bia kweli ndugu. Je ne suis pas un chrétien fermé. Misi na mukristo mwenye kusimama imara. À l'église. Ni kuna lofa sana ukanisha. Tu fais ça, Seigneur. Bwana Mungu kinifanyia tu hiki. Na mimi. Je serai régulier. Na kwa kila siku ukanisha. Chaque fois que les portes de l'église s'ouvrent. Kila mara milango ya kanisa ikikuwa wazi. Moyo wangu. Itaugua. Écoutez ta parole. Nipate kusikia neno lako. C'est vrai. Ndio kweli. Et quand je serai là, wakati nitakuwa kanisa. Bwana, utilize ton serviteur. Utumikisha mtumishi wako. Mete seno ta kote. Weka mi mawazo yake pembeni. Weka maandiko yake pembeni. Lakini useme nami. Tu aokova nafsi yangu. Wakati unamwomba Mungu muina mune atakujibia. Ils ont fait. Malifanya vile. De promesse. Malako. C'est vrai frère. Ndio kweli. Et après que ces choses soient faites, kisha bibi tukufanika, Nehemi devait faire une dernière retouche. De Nehemi alipashi kutengeneza kia mwisho. Parce que le peuple devait maintenant s'éparpiller. Du taifa ya Mungu ilipashi sasa izambalale. C'est ainsi. Quand vous lirez le verset 21, wakati mtasoma mstari makumi mbili na moja, il fit maintenant des choix. Sasa wakafanya kuchagua, walikachagua. De ceux qui devaient habiter. Ya bale walipashi kuketi. La ville de Jérusalem. Muja Yerusalema. Et les autres qui devaient aller dans les villes de Juda. Na bengine walipashi kuenda miji ya Yuda. Et il donna. Alipatia. Il distribua. Akakabula. Des fonctions aux Lévites. Makazi kwa Walawi. Na kwa kuhani. Mais avant qu'ils aillent servir le Seigneur, bele avo kwenda kumtumikia Bwana, mshahara, un salaire fixe, mshahara yenye kuneana, était accordé, bali wapatia, au chanteur tous les jours, wa waimbaji kila siku, parce qu'il n'avait pas autre chose à faire, ndio wakuwa na kazi ingine ya kufanya, on avait établi, bali waweka, des Lévites, Balawi, et des sacrificateurs, na bakuwani, kazi yao tu, leur travail, usiku na mchana, jour et nuit, ni kutumikia Mungu. C'était seulement de servir le Seigneur. Et Némi dit, c'est qu'un salaire pour eux. Parce qu'ils doivent néanmoins vivre. Ils ont des familles. Ils doivent avoir un salaire pour vivre. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est ainsi que dans le chapitre 12, il y a eu maintenant la dédicace du mur de Jérusalem. Vous voyez, on a fait la dédicace du mur de Jérusalem et on établit les chats dans le temple. Makazi mule mwekalu. Oui, bien, mes frères. Munaona ndugu mabuzito. On établit maintenant. Makaweka sasa. De charges dans le temple. Mabuzito kukamula mabuzito kwa watu mkanisa. C'est vrai. Bia kweli. C'est vrai, ma soeur. Bia kweli, dada. Parce que la dédicace, la dédié, et les murs. Kwani ukuta. N'avait pas encore été dédié. Ya Yerusalem avarko vaya itolea kwa Mungu. Oui, bien, mes frères. Dio ndugu mpendwa. Il fallait faire la dédicace. Il fallait batolee yo kwa Mungu. Et ils ont fait cela. Balifanya vile. Et le gouverneur établit toutes ces choses là. Na liwali akaweka ile yote. Et on ceux qui étaient restés parmi maintenant le peuple. Bale bali wakia katikati ya taifa. Quand vous prenez Néhémie chapitre 13. Mukichugua Néhémie sura 13. Il y a eu séparation avec les Moabites. Kukakuwa kujitenga na ba Moabu et avec les Ammonites na ba Ammonites pour bien servir Dieu wapate kumtumikia Mungu mzuri. Frère, nduku, en tant que fils, je vais bientôt clôturer. Sasa hivi tamaliza. En tant que fils de Dieu, sawa watoto ya Mungu, on ne peut pas bien servir Dieu. Hatuwezi kumtumikia Mungu mzuri. On est encore attaché au faux. Kama tungaliki venye kuambatana na babia bongo. Kama ukingari mburafiki na bantu babaya, situ ya ankora na mitie. Hautatumikiaka Mungu mzuri. Situ ya ankora na mitie avec défaut. Tu ne servira pas Dieu correctement. Kama mburafiki. Situ ya ankora. Na bantu babongo. Ana mitie avec défaut. Hauwezi kutumikia Mungu mzuri. Tu ne peux jamais servir Dieu correctement. Ule anapenda kutumikia Mungu mtu Mungu mzuri. Celui qui veut servir et Dieu. Et jitenge na bintu biote vya bongo. Celui qui veut servir na Dieu correctement. Na bantu babongo. Qui des amis et des païens. C'est vrai, frère. Bien qu'elle est Nduku. On doit être libre. Tu n'as pas quoi ouro. Dans l'exercice de nos fonctions. Ma case et tout. Et quand le peuple fils là. Wakati taifa ya Mungu ilifanya vile. Nehemia. Est retourné à Suse la capitale. Akarudia kule kusuza muji mnene. Auprès du roi. Pembeni ya mfalme. Artaxerxes. Pour lui faire rapport. Jo kumpatia ripoti. Vous voyez. Munaona. Il est retourné parce que dans tout ce que l'ennemi faisait. Kwani mwile yote l'ennemi alikuwa anafanya. Il le faisait sous l'ordre du roi. Alikuwa anafanya chini ya uongozi ya mfalme. Après que tout soit établi, kisha yote kuwekwa, il est retourné momentanément faire le rapport, arudia kwa muda kupeleka ripoti, au roi, kwa mfalme, du travail qu'il avait abattu à Jérusalem. Ya ile kazi alimaliza kule ku Yerusalema. Mais regardez pendant son absence, pour terminer. Tazameni wakati yeye asikuweko. Iyai, un sacrificateur, kukakuwa mkuani moja, Eliashib. Jina lake ni Eliashib. Un sacrificateur corrompu. Mkuani mwa mwenye kuharibika. Qui était le gendre de Sambala? Shambala que nous avons dit. Ula alikuwa mkwe wa Sambala mwenye tulisema. Le sacrificateur Eliashib. Huyu mkuani Eliashib. Un aveugle, un sacrificateur aveugle, qui n'a pas un discernement de voir les faux et les vrais. Un homme corrompu, il prend les parents de Tobija. Et il les établit dans la chambre de la maison, dans les chambres de la maison de Dieu. Akabaweka kubapatia buzito mu chumba ya nyumba ya Mungu. Il leur accorde des responsabilités, des ennemis. Akabapatia buzito. Je voudrais arrêter. Napenda sasa kusimamisha sasa hivi. Celui qui avait le plan, vous l'avez quoi na mapu? Nehemia. Est rentré au pays du roi Artaxerxès pour donner le rapport pendant un temps. J'ai compati à ripoti kwa muda. Les corrompus qui sont restés. Aba benyu kwaribika bale baribakia. Eliashib était de la famille royale, de la famille de Lévi. Oui, Eliashib aliko wa kizazi ya Walawi. Effectivement, un sacrificateur. Hakika alikuwa ni mkuani. Un sacrificateur corrompu. Lakini mkuani mwenye kuharibika. On peut avoir un véritable don. Unaweza kuwa na zawadi ya kweli. On peut avoir un véritable ministère. Unaweza kuwa na butumishi mbali ya kweli. On est corrompu. Lakini unesharibika. À cause des intérêts. Kwa ajili ya mafaida. Balaam avait un véritable don. Balaam alikuwa na zawadi ya kweli. Mais c'est un corrompu. Lakini alikuwa mwenye kuharibika. Il voulait maudire le peuple de Dieu. Alipenda lani taifa ya Mungu. Au temps du roi Assyrius. Wakati ya mfalme Assyrius. Il avait cherché un lévite. Alitafuta mulawi moja. Un véritable lévite. Mulawi wa kweli. Pour l'envoyer à Israël. Tu as pas mutuma ku Israeli. Afin d'instruire le païen, il a fondé wa pagano sur la loi de l'Éternel, yule ya sheria ya wamilele, que les lions le dévorent pas. Ili wasimba wachiwa uwe. Même aujourd'hui, hata leo, c'est ce qui embrouille souvent le peuple de Dieu. Yo ile kuna furusha taifa wa Mungu. Kwa watu wengine, eko tu na zawadi ya kweli ya Mungu. Ya certaines personnes. Ye mwenyewe ni wa bongo. Ya certaines personnes qui a un véritable don de Dieu, mais lui-même il est faux. Il est corrompu. Il est attaché au matériel. Il est attaché à la gloire. Anapenda sana mautukufu na bitu ya mwili. Nehemi part. Nehemi anaenda. Il profite de l'absence de Nehemi. Huyu mtu anafaidia mu. Il établit. Kwenda kwa Nehemia. Les parents de Tobija. Akaweka banduku yake Tobija. Les ennemis d'Israël. Ba Israeli. Les ennemis de Juda. Adui ya Yuda. Les ennemis de l'œuvre de Dieu. Adui ya kazi ya Mungu. Il les établit. Akabaweka dans la maison de Dieu. Mu nyumba ya Mungu na mabuzito. Établir quelqu'un. Weka mtu na buzito. Un corrompu. Mtu mwenye kuharibika. Le peuple de Dieu. Yule ya taifa ya Mungu. C'est un péché. Ile ni zambi. Parce qu'ils avaient des alliances. Kwani bao balikuwa na maagano. Des relations. Na mapatano. Ils avaient des intérêts charnels. Balikuwa na mafaida ya kimwili. Mais après un certain temps. Alakini kwa muda fulani. Comme Nehemia avait la charge. Sawa vile Nehemia alikuwa na buzito. De la ville de Jérusalem. Wa muji ya Yerusalem. Il est retourné. Il demanda la permission au roi. Akaomba ruhusa kwa mfalme. Qui lui donna de retourner. Mfalme akampatia ruhusa akarudia. Quand quand il arrive, wakati anafika, il trouve ce que Néhémie, ce que Eliashib avait fait. Akakuta vile Eliashib alifanya. Ce sacrificateur corrompu. Huyu mkuani mwenye kuharibika. Néhémie désapprouve. Néhémie asikukubali. Ce que cet homme avait fait. Ile huyu mtu alifanya. Il était triste. Alihuzunika. Il est allé. Alienda. Dans les chambres du temple. Ile chumba il a pris tous les objets de Tobijale. Akachukua vyombo vyote vya Tobija na kuvitupa nje. Parce qu'il avait fuyé. Jukwani alichafua. Il avait fuyé. Alichafua. Le temple. Ekalu. Avec les objets. La vitu. Des ennemis de Dieu. Vya baadui ya Mungu. C'est vrai frère. Vya kweli nduku. Il prend tous les objets. Akachukua vyombo vyote na kuvitupa nje. Ennemi, Nanemi, purifia toute la maison. Akatakasa nyumba mzima. Il replaça les ustensiles. Akarudisha vyombo vingine. Chaque chose à sa place. Kila kitu kwa fazi yake. Et quand il revient, wakadarudia, il apprend aussi que même les Lévites avaient abandonné leur travail parce que leur salaire était coupé. Ils n'avaient plus à manger. Akajulisha tena ya kwamba Walawi waliacha kazi yabo kwani hawakuwa na chakula, mshahara yabo waligawanya. Néhémie reprimanda. Néhémie akakemea. Les responsables, les magistrats. Bale baamuzi. Pourquoi il n'avait pas payé les portions de Lévite et de sacrificateur. Hawakulipe Walawi na wakuani mshahara yabo. Janini kazi ya Mungu munaiacha. Il reprimanda. Aliwakemea. Il reprimanda. Aliwakemea vikali. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Yakweli, dans Néhémie au chapitre 13. Néhémie à sura 13. Regardez. Tazameni. Vous terminez. Dieu a kumaliza. Avant cela. Bele aile. Le sacrificateur Eliashib. Mukwanu Eliashib. Établi. Je suis au verset 4. Musari aine. Néhémie chapitre 13. Néhémie sura 13. Verset 4. Musari aine. Après cela. Kisha ile. Le sacrificateur Eliashib. Oui, Mukwani Eliashib. Établi dans les chambres de la maison de notre Dieu. Akaweka, akafatia buzito hii mchumba ya nyumba Mungu. Bazazi ya Tobija. Vous voyez. Unaona. Et avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'essence, les ustensiles, la dîme du blé, le moins l'huile. C'est ainsi qu'était. C'est ce qui était ordonné par les Lévites. Walimutayarishia chumba munene mule walikuwa naweka mwanjo matoleo, manukato na vyombo vingine na machekumi ya ngano na mafuta. Ile ilikuwa yenye kutolewa juu ya Walawi. Vous voyez comment Eliashib avait fait. Nous n'avons pas de canoë Eliashib à l'époque. Il a donné beaucoup d'avantages. Akam pacha mafaida mingi. Aux ennemis. Akapatia yo adui. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Mimi si ukuwa ku Yerusalem wakati bidia kufanyika. J'étais retourné auprès du roi. Narudia kwa mfalme. La 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Mwaka 32 ya utawala. À la fin de l'année. Mwisho wa mwaka, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Nikapata ruhusa ya kurudia kwa Yerusalemu. Je m'aperçus le mal qu'avait fait Eliashib. Nikafungula bule bubaya Eliashib alifanya. En disposant une chambre pour Tobija. Mukukabula hii chumba kwa Tobija. Dans le parvis de la maison de mon Dieu. Mukiwanza ya nyumba ya Mungu wangu. J'en éprouvais un vif de plaisir. Et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifie la chambre et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu et les offrandes et l'essence. Nikaamuru wapate kutakasa ile chumba na nikaweka mo vyombo vingine na manukato na matoleo. Eka il fit cela. Wakati alifanya vile. Il purifia maintenant la chambre. Alitakasa ile chumba. C'est ainsi. Ni muina muna. Que Néhémie. Néhémie. Il remit encore. Chaque Lévite à son poste. Aliweka sasa kila mlawi pa fazi yake ya kazi. Je ne sais pas si l'église a fait ça. Sijui kama kanisa inanifuata. À l'absence place de Néhémie, wakati Néhémie alitoka hapo, ce sacrificateur corrompu, huyu mkuhani mwenye kuharibika, désorganisé, aliharibisha kazi, tout ce que Néhémie avait placé, ile yote Néhémie alitengeneza, unaona? Il avait tout chambardé, aliharibisha biote. Mais quand Néhémie est rentré, wakati Néhémie alirudi, il avait tout remis à l'ordre. Naye akarudisha biote muusawa. Et maintenant les Judas, sasa wa Yuda, pouvaient maintenant amener les dîmes et les offrandes. Kuleta machekumi na matoleo. Et il les amenait maintenant dans les magasins de la maison de l'Éternel. Muduga ya nyumba ya wamilele. Parce que la maison de l'Éternel, wani nyumba ya wamilele, ne doit pas manquer quelque chose. Haiwezi kama kukosewa na kitu. Si les serviteurs, kama watumishi, manquent à manger, wanakosa chakula, c'est une grande faute pour l'église. Ile ni kosa munene sana kukanisa. Les hommes de Dieu ne doivent pas dormir affamés. Watumishi ya Mungu hawezi kulala na njala. La maison du trésor, nyumba ya hazina, doit toujours avoir quelque chose. Napashikila mara kwa na kitu. Pour servir, saidia na watumishi yake. C'est ainsi qu'ennemi, muna Nehemia, après avoir purifié yeye kutakasa, la maison de l'Éternel, le chumba ya wamilele, il confia maintenant akaleta sasa la responsabilité de tous ces magasins à ile duga yote, Sheremia, akampatia yo Sheremia, un serviteur, mutumishi, un sacrificateur, mkuhani, qui avait une bonne réputation, ule alikuwa na kafuma mzuri, et un homme fidèle, na mtu mwaminifu, dans la distribution. Mkukabula bitu. Vous voyez, unaona, Dieu insiste toujours. Mungu anaweka mkazo kila mara. Vous voyez, unaona, il insiste toujours. Anaweka kila mkazo. Si les hommes qui ont une bonne réputation. Yule abatu wenye kwa na kafuma mzuri. Wanapasha kutumikia Mungu. Les gens qui doivent servir Dieu. Wanapasha kuya na ushuda mzuri. Doivent avoir un bon témoignage. Wanapasha kuya waaminifu mukintu chote. Ils doivent être fidèles en toute chose. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Il rétablit. Akarudisha. Sabato. Il réprima les Tyriens qui vendaient aux Juifs les jours de sabbat. Il y avait déjà des gens, qui se compromettaient dans les mariages. Les femmes étrangères, les femmes païennes. Babibi akigeni bapagano. Némi, quand il est retourné, wakati Némi arirudi, il renforça la loi. Akaweka mkazo kusheria. Il dit, akasema, à tous les juifs, baba Yuda bote, quiconque épouse une étrangère, yeyote ula na hoa bibi wa kigeni, commet un crime, anatenda uwaji. Le mariage mixte est un crime à l'égard du peuple de Dieu. Ya taifa ya Mungu. On doit toujours se marier entre frères wana, katikati ya bantu kuna badala, de la même foi. By muimani moja. On ne peut pas se marier avec les païens ou avec les païennes. Wapagano wana muke. C'est un crime à l'égard du peuple de Dieu. Mbele ya taifa ya Mungu. Unaacha ba frère, ba sœur, ba toi pa vierge. Tu laisses nos sœurs vierges. De celles qui se gardent. Ouais, on a encore pas pendant na ndumba moya ukwe usulete hapa betu weko na shome nulamene panda kene notre shome huku muwaji inse dada anacha tu babiana hapa weko na jitakase les jeunes gens qui se weko na chunga ta ya Mungu sanctifique à temps le temps de Dieu pour chercher les seuls qui se marier wenda kolewa na mupagano te laisse pouger par un païen huku muwaji. Dieu ne peut pas t'approuver. Mungu hawezi kama kukubali. C'est pourquoi quand Némi est venu, je commande wakati Némi alikuja, il a frappé les uns, alipiga wamoja, les autres les a maudits. Wengine aliwalaani. Il est allé à l'extrême. Alienda kumpaka kumwisho. Et les gens de l'étoile de Sambala, na watu wa Sambala, il les chassa. Akawafukuza wale wakoe wa Sambala. Parce qu'ils suyaient les sacerdotes. Walikuwa na chafua fadhi ya hekalu. Il purifia tout le peuple de tout étranger. alitakasa taifa yote mzima na kutoka wa kigeni, akawakumbusha hadithi ya Solomoni, akasema Vous commencez cette histoire de femmes étrangères. Vous n'avez pas mambo ya bibi wa kigeni. Avez-vous oublié? Eti munasabu. L'homme le plus sage. Mtu wa hekima sana. Qui avait le plus grand don en Israël. Ule alikuwa na zawadi munene mu Israël. De femmes étrangères. Wa bibi ya kigeni. Il a abandonné Dieu. Alimwacha Mungu. Vous voulez tomber dans le même péché. Na moyo munapenda kuanguka mzambi moyo ile. C'est pourquoi il purifia. Je commande à litakasa. Tout Israël, tout Juda, Israël mzima na Yuda mzima, des étrangers, utosha bakeni bote bakigeni. C'est ce qu'un chrétien, c'est ce que les chrétiens doivent être. Jo kile ba Kristo wanapaswa kuwa. C'est ce que doit être un serviteur de Dieu. Jo ile mtumishi wa Mungu anapaswa kuwa. C'est lui qui a la responsabilité sur le peuple. Ule mwenye kwa na buzito yule wa taifa. Il doit purifier. Anapaswa kutakasa. Le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Avec la parole. Na neno la Mungu. C'est vrai. Bien kweli. Et vous lirez cela dans Néhémie chapitre 13, à partir du verset 23, jusqu'au verset 1, verset 31. Comment Néhémie a agi lorsqu'il est retourné namna ka Nehemi alitenda wakati alirudi kutoka Yerusalem. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Vous voulez prospérer. Unapenda kuendelea. Ne vous attachez pas aux fausses choses. Hapana kuambatana na vitu vya bongo. Vous devez vous purifier. Unapachu jitakasa. De tout mal. Na bubaya bote. Que ce soit dans le mariage. Ikiwa mundoa. Épousez toujours. Uowe kila mara. Et toujours. Na kila mara. Un frère. Nduku. Ou une sœur. Wala dada. Qui est né de nouveau. Mwenye uzaliwa mara apili. Qui a la même foi que vous. Mwenye kwa na imani moja pamoja na wewe. Nduku moja. Ou une sœur. Wala dada moja. Que vous connaissez bien. Ule unajua mzuri. Comme un chrétien. Nawa mukristo. Un frère. Ou une sœur. Wala dada. Qui a une bonne réputation. Comme mzuri. Un chrétien. Comme une chrétienne. Nawa mukristo mwanamuke wala mwanaume. Ndugu wala dada, la compagnie, una napenda ushirika na ya wanduku na ya wadada qui marche dans la crainte, venye kutembea katika boka. Épousez toujours. Wowe wana olewe. Ndugu wala dada, qui aime Dieu, una nampenda Mungu, qui aime son église, una napenda kanisa yake, qui aime ses serviteurs, anapenda watumishi yake, qui aime la parole de Dieu, anapenda neno la Mungu, qui aime le peuple de Dieu, anapenda taifa ya Mungu. Même si c'est un pauvre, hata kama ni maskini, aimez-le, umpende. Si même si c'est un pauvre, hata kama ni maskini, mariez-le. Mariez-la. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénira. Atambariki. Quand les choses ont été rétablies, wakati vitu vyote virudishwa, Dieu a été rétabli. La maison de Dieu a été rétablie. Nyumba ya Mungu barirudisha mzuri. La parole est rétablie. Neno la Mungu banairudisha. Vous voyez, la loi est rétablie. Sheria banairudisha. Tout le peuple purifié. Vyote na taifa yenye utakaswa. Dieu aussi. Mungu naye béni ce peuple. Akabariki ile taifa. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est de cette manière que nous devons avancer avec le Seigneur. Mwini na mwina tunapashi kuwa enda mbele ya Bwana. Vous voulez la bénédiction de Dieu. Soyez fidèle. Ukuwe mwaminifu. Restez fidèle à Dieu. Mwaminifu mbele ya Mungu. Restez fidèle à sa parole. Mwaki mwaminifu mbele ya neno lake. Mpende Mungu. Aime son œuvre. Mpende kazi yake. Aime son peuple. Mpende taifa yake. Le Seigneur Bwana vous fera grâce. Hata kufanshia neema. Que le Seigneur vous bénissez pour ce matin. Bwana Mungu ambariki tu asubuhi ya leo. Alors mardi, mkazi mbili, nous allons passer maintenant au 79 de Daniel. Tutapita sasa kwa majuma 17. Nous allons retourner maintenant à Daniel chapitre 9. Tutarudiria mu Daniel sura 9. Parce que maintenant nous avons fini. Je hapa tunamaliza. Avec la reconstruction na makujengulula de la maison de Dieu et de la ville de Jérusalem. Wa muji ya Yerusalema. Vous avez compris comment cet homme a fait. Tunaelewa namna kani huyu pour amener le réveil. Ya kuleta uamsho. Dans cette cité. Mouji. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour la prière. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Soyez purifiés par la parole de Dieu. Profitez du réveil du Saint-Esprit. Profitez de la proclamation de la parole de vérité. Pour vous délier de toutes les chaînes, de tous les liens qui vous enveloppent facilement. Prions-nous tous ensemble. Seigneur notre Père.